Et tu rajoutes quoi? Et un collier. Allez. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré en or, une bague et un chien. Non, c'est pas le pull qui est en or. Allez, on continue, mademoiselle. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien et un collier. Et tu rajoutes? Un micro. Original. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or et j'ai oublié. Allez, on va. Ensuite. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier. Ouais. Un micro. Ouais. Et une fessée. Le coquin. Tiens, ça cartonne, ça, Noël. Noël. Pour les enfants, ça cartonne à Noël. On continue. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier. Ouais. N'aidez pas trop. Un collier. Attention. Attention, attention. Allez, suivant, on va à côté. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, une fessée. Mais non, Il faut qu'il réussisse. Faut qu'il réussisse son coup. Non. Si vous perdez, vous êtes à égalité. On rajoute un mot. Allez, vite. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un micro, un collier. Allez, vous êtes à égalité, on la refait. Attention, pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier, un micro, une fessée, et je rajoute un écran plasma. Allez, vous me le faites. Allez, toi. Moi ? Oui. Okay. Bah, vous êtes plus que deux. Qui, moi ? Non, l'autre. Moi ? Bah non. Allez, vite. Pour Noël, j'ai commandé, un pull de Maria Carré, une bague en or, un chien, un collier, un micro, une fessée, un écran plasma, et une moto. Bim, à côté. Il est pas bien. Il est pas bien. Je la déteste. Pour Noël, j'ai commandé un pull de Maria Carré, un collier, une bague en or. Un chien. Un micro. Un collier. C'était un collier. La tasse avec les traces de lèvres dedans. Au pire, si t'es pas fan, tu la laves, ça te fera une tasse. Ça te fera un mug. Je veux te dire, tout simplement. T'es fan, tu la collectionnes. T'es pas fan, tu boiras du thé. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Elle tremble, elle tremble. Elle est contente. Genre, vous précieux. Mon prince. Ça va, t'es content? Ça va, oui. T'es fan de Rita Ora ou pas du tout? Oui. Mais tu vas la garder. Tremble pas. Tu vas la garder. On la reprend pas. Oui, je vais la garder. Fais gaffe, t'es en train d'effacer le rouge à lèvres là. T'es en train d'effacer le rouge à lèvres. Je pensais pas qu'offrir une tasse sale aurait autant d'effet. C'est génial. Hey, à la rentrée, je ramène mes casseroles. Tu feras la vaisselle. Avec un restant de butoni dans le fond. Tu vois, c'est une très belle soirée. Je vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Demain, c'est la dernière de la semaine pour tout le monde. Vous allez bien, les amis? Ça va, mon Koé? Ça va, on est en pleine forme. Koé, j'ai un défi pour toi si tu l'acceptes. C'est quoi? De dire quoi? Vu que tu as de la mémoire. Ouais. Quelles sont les trois personnes qui sont avec moi? Allez, pas les prénoms. Ne me demandez pas les prénoms. Allez, je connais JM, je connais Sylvain. Oui. Et alors, non, ne dites rien pour la demoiselle. Tout va souffler. J'ai pas son nom. Non. Non. Pour la demoiselle, j'ai Sarah. Oui, Sarah. Mais me faites plus jamais ce genre de truc. Je connais déjà à peine les gens qui bossent avec moi. C'est vrai, il montre du doigt, Koé. Bonne soirée à vous tous, je vous embrasse. Bonne soirée, l'équipe. Koé revient demain sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico. Vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. Elle a été longue la journée, on est tellement contents de vous retrouver pour kiffer. On va parler des astuces de bâtards, franchement. Des sites internet pour vous faire acheter. Non mais il y en a pas mal, on en a listé avec l'équipe. Et franchement vous allez vous dire, ah oui je me suis fait avoir par ça et par ci, franchement on va se régaler. Ce soir Malik n'est pas là, alors Sarah prend le relais du VTC. Oui, hier elle a été élue meilleure membre de l'équipe. À elle de jouer, à elle de vous faire rêver. A-t-elle le talent pour prendre le VTC en main? C'est ce qu'on va voir. Et puis toutes les news de la journée. Vous le savez, à l'approche de Noël, on tente aussi de passer un Noël familial, de vous permettre justement de passer le meilleur Noël possible. Vous prenez l'antenne et vous parlez à vos proches en direct pour démêler des situations qui sont pas toujours faciles. D'ailleurs, vous venez 0800 70 42 48. Comment elle va, Sarah ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Morico. Un petit peu angoissée pour ce VTC. Je vais pas te mentir. Ouais. Mais je vais essayer de tout donner. Si c'est un homme, je vais le draguer à fond. Très bien. Et c'est vrai que quand tu vas allumer évidemment la radio, qu'on va annoncer que t'es un criminel recherché pour une nana, t'as pas envie de faire la fière. Ça craint, j'ai peur. Ouais, c'est la première fois qu'on va le faire, ça va être énorme. Ça va, Sylvain ? Bah écoute, en pleine forme. Le tombeur est en forme. Ouais, ça va, bah, le dernier de la classe, encore. Ouais, puisque hier, il n'a pas été plébiscité dans vos votes. Mais on t'aime pour ça et tu nous rapportes beaucoup d'argent via les aides. Ça va, JM ? Écoute, ça va, micro d'argent, je suis content. Oh là, ouais. Franchement, ça va très bien. C'est pas mal, c'est bien, micro d'argent sans oseille. C'est une première. Les amis, vous venez, on parle du bail du jour. C'est ces astuces complètement folles des sites internet pour nous faire acheter. Alors, avec les gilets jaunes, les incident et le manque de pognon aussi pour s'éviter des tentations, vous achetez sur internet et beaucoup de colis arrivent, franchement plus de 40% de ventes en ligne supplémentaires. Wow. Et du coup les sites regorgent évidemment de techniques pour vous faire acheter, par exemple 5€ de plus pour la livraison gratuite. Du coup vous achetez l'article en plus. Bah ouais, c'est ça, au final ça sert à rien. C'est le classique ou le vu à la télé, il est terrible. Là. Vu à la télévision. Tu sais pas où, ça a été vu sur la 100e chaîne du câble, mais vu à la télé. Non mais des fois c'est plus cher la livraison. Ouais. Que le colis. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai acheté une montre l'autre fois. Ouais. J'en avais pour 30 balles. Ouais. Et j'avais 40 balles de frais de livraison. Tiens, tu parles des montres. Souvent, on les voit afficher 129,99€ barré. Puis ça coûte 29€ alors qu'ils n'ont acheté qu'un euro. Ouais. Ils l'ont fait faire en Chine. Ou pareil, ça vient de la Chine. Ils vous mettent fabriqué en Autriche, en France. Vous dites, t'as bien, j'achète. Alors qu'en fait, rien du tout. Non, mais c'est vrai, comme il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une petite crème anti-ride parce que en fait, j'ai été alpagué par le avant-après. Ouais. Et ben, je peux dire qu'au bout d'un mois, je fais encore plus vieille. Ah oui, je te jure. Ah ben, je peux te dire qu'elle n'a pas marché du tout. T'as même des taches maintenant sur la tête. Elle s'est fait avoir, les amis. On est là jusqu'à 23h avec vous. J'ai encore une petite liste comme ça. Listez-les-moi. Rico NRJ. Le VTC de Sarah arrive. Et puis on va se faire un appel. Rico le Wesh Wesh. Cherche des cours de chant Wesh. Les amis, je vous demande du silence. Je m'entends quoi? Fermez la porte là-bas. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Before we get out of here. bitches. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui les amis, avant de vous laisser l'antenne pour parler à vos proches à l'approche de Noël, justement pour être ensemble en famille et de faire l'appel Ricole Wesh Wesh, hein, tout nouveau, vous allez adorer. Je cherche des cours de chant, moi qui me prends pour un petit rappeur. On parle de ces astuces de bâtard, c'est le bail du jour, des sites internet pour nous faire acheter tout et n'importe quoi. Les amis, ça y va, d'autant que là internet c'est à fond, hein. Ah mais moi il y a un truc de fou, franchement je pense qu'on est sur écoute, ouais. Parce que la dernière fois je parlais avec un collègue de vélo, de ci de là, ouais. J'avais pas le téléphone d'allumé, hein. C'est pas sur les sites, qu'est-ce qu'il me propose sur Facebook, tout ça, ouais. Des vélos. Oh là. Alors que le téléphone, il est pas allumé. C'est pas, j'ai regardé. Mais non, même pas. J'ai pas utilisé mon téléphone pour regarder tout je de vélo. Je pense que t'es sur écoute, JM. Mais c'est sûr, c'est sûr. T'es une personne importante, tu es sur écoute. Mais non, mais c'est arrivé un pote aussi pareil. Mais c'est de la folie, ça. Ça va être redescend un petit peu sur terre. Alors moi, j'ai parlé d'une histoire véridique. Oh là là. Mais qu'est-ce que excuse-nous, Melonman. Redescend sur terre. Il y a que Sarah qui a raison. Ah ouais, pardon. J'avais une boutique de fringues. Est-ce que je faisais sur mon site internet, je prenais des photos de stars et je disais, elles nous ont fait confiance. Ah ouais. Kardashian m'a fait confiance. Je te jure. Arrête. Genre je vendais des fringues. Elle t'a fait confiance, elle n'a rien acheté. Elle l'a senti. Encore une escroc, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Bah écoute, c'est de père en fils. Hein. Je vous rappelle que de père en fille même. Hein, son père m'a escroqué. Il y a aussi, vous savez, la petite promo qui arrive en pop-up au moment où vous allez quitter le site. Vous allez vous barrer. Ils le sentent. Ils le sentent. Ouais. Pam. Ils arrivent et là ils te proposent moins de 15% sur le produit. Et en plus, quand tu veux fermer ce site là, ce pop-up qui s'ouvre, tu arrives pas. Donc tu cliques sur la pub et le site il s'ouvre. C'est et vrai. Tu tenter d'acheter quoi. Et le panier est déjà plein. Et ouais, c'est ça. Ils ont tapé déjà les 4 chiffres de ta carte bleue. Ils sont prêts à t'avoir. T'as aussi, tu sais, le décompte. Ils te disent plus que 5 minutes avant, avant que l'achat ne se perde. T'as l'impression que vous êtes 100 000, tu sais. Ou quand tu réserves une chambre d'hôtel, vous êtes toujours 12 sur la chambre. Grave. Et il reste 3 chambres. T'as jamais remarqué? Ah oui, on a la même en voyage. Moi cet été, tu sais pourquoi je suis partie en Espagne dans cet hôtel là? Parce qu'ils disaient plus que 2 réservations disponibles. J'ai dit à mon mec, vite, tu prends. Arrête, Sarah, tu m'as dit que tu voulais bosser en Espagne. Oui, la Junquera, c'est ça. Non, apparemment, t'adores la paella. Jules a fait le 0870 42 48, il est toulousain, ça va Jules? Ça va l'équipe, ça va Rico? Ça va, impeccable. Jules, tu t'es fait carotte toi sur les sites internet là. Eh oui, moi c'est déjà, c'est un plaisir d'être au téléphone avec vous. T'es un amour. Et non. Oui, je me suis fait un peu carotter au niveau en fait du test. Ouais. De Costar. J'ai acheté 370 euros, il marquait 70% de remise, ouais. De réduc. Et en fait, je suis allé le lendemain quand il n'y avait plus en fait les soldes et en fait, elle était à moitié prix. Oh là là, ouais, c'est carotté, quoi. Mais alors, mais quand c'est... même plein, quoi. C'est vrai, c'est la carotte, hein. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est moins cher avant les soldes. Oui, c'est vrai. Non, rien à voir, c'était pour un spectacle de mon fils la semaine dernière, petit hibou, je sais pas quoi. Moins 48% sur le site, j'achète et tout. Je vais au spectacle, en fait, c'était le même prix sur place. C'est pas vrai. C'était même pas une réduc, moins 48%. Les carotteurs. On va mettre un gilet promotionnel pour aller manifester. Alors qu'un bon télé-shopping, au moins, t'es tranquille. C'est vrai. Ben c'est vrai. En plus, la nana qui présente, elle est mignonne. Exactement, hein, t'expliques le produit, et voilà, t'es tranquille. Tu mates, et puis après, tu te fais avoir. Mais je pense que de passer la réservation par le numéro surtaxé, c'est plus cher que le produit. Ouais, c'est vrai. T'as jamais remarqué les coûts du téléphone, il est plus cher que la super offre qu'on te file. Minutes, je crois. Non, mais c'est un truc de fou. Et sachez que 42% des Français sont influencés par ce type de message et que ces Français influencés, pour 90% d'entre eux, se font choper. C'est-à-dire que quand tu vois le message, tu vas acheter, que pour toi, t'es sensible à ça. Tu dis putain, il reste 5 minutes avant d'acheter, oh là là, il en reste plus que 5. Et ben, du moment que ça te fait quelque chose, que t'as percuté que ton produit va s'en aller, pam, tu procèdes à l'achat. Dingue, ça. Moi, c'est beaucoup les commentaires aussi que je regarde. Ouais. Tu vois les commentaires si c'est bon ou pas. En parlant du resto de mon père, c'est vrai que j'ai déjà mis 2-3 faux commentaires. Ouais. En mode, c'est super bon, venez. Ah, les faux avis, t'inquiète pas. D'ailleurs, les amis, je vous le dis, Sylvain est à vendre et vous êtes 10 intéressés. Faites gaffe, il n'en reste plus. C'est le dernier Sylvain qu'on a. Si vous voulez vous en débarrasser, les amis, c'est le dernier là. Hein. Il y a un décompte. 3, 2, 1. Oh putain, il n'y a personne qui s'est fait choper. Si vous pouvez partir de cette émission, Jules, t'as pas cédé, t'as pas craqué, Jules. Hein. Non, j'ai pas craqué. Il a pas cliqué. Alors que Sarah, 3, 2, 1. Oh là là, Jules a déjà mis la carte. Allez, n'hésite pas. À quel endroit la carte? Oh non, Sylvain, c'est pas beau. Tu vois pourquoi je veux que tu quittes cette émission? Allez, mon Jules, je te fais un gros bisou. On va te faire un cadeau, Jules.

Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Les amis, les news arrivent. Je vous parlerai de nouvelles tendances autour de Noël et des cadeaux. Il y a aussi une histoire de chaussettes qui vire au drame. Non, non, vous ne rêvez pas. Et puis une personne arrêtée à cause de son chat. Ah oui, ça change. Ça change. D'habitude, c'est avec la femelle du chat. Je vous expliquerai. D'ailleurs, elle est là. Elle est en forme. Sarah qui va incarner le VTC ce soir. Micro d'or, hein, meilleur membre de l'équipe. Bravo. Et ce soir, elle est un peu stressée puisqu'on va l'annoncer recherchée avec un client dans la voiture. Non, attends, j'étais micro d'or. C'est une récompense. Ça, c'est pas une récompense. Ah moi, oui. Je stresse. Imagine le mec, il m'empoigne ou c'est un psychopathe. Mais vous êtes des malades, vous. En fait, c'est peut-être la mycose d'or. On peut pas me prendre JM ou un truc comme ça. Non, non, c'est toi la championne. Voilà. Et la championne reste championne. Les amis, on se fait le canular du jour. Rico, le wesh wesh, il parle un petit peu comme une caille. Wesh, je suis dans le rap. Cherche des cours de chant, ça. C'est ça. Et en fait, j'ai trouvé une prof de chant cet après-midi qui accepte de te parler. Bon, attention, elle déteste le showbiz et elle est un peu rigide alors qu'elle est jeune, mais elle est rigide comme jamais. Ah, frigide, rigide. Les deux. Je crois les deux. D'accord, vraiment, d'accord. On est sur un duo formidable. Tiens, pour Noël, on y va. C'est parti. On l'appelle. Ouais. C'est le canular. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur Énergie. Rentre dans le cercle. Oui, allô? Oui, allô? C'est Madame Jacquin, on s'est eu tout à l'heure pour les cours de chant. Je suis avec mon petit-fils, là, qui. Tu peux raccrocher le téléphone, s'il te plaît. Je vais vous le passer, d'accord? Je reviens, je vous laisse discuter un peu avec lui, et comme ça, on fixe un petit rendez-vous. Vous me dites comment vous le sentez. Hein. Oui? Oh, allô? Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je veux devenir chanteur. Mm-hmm. J'aimerais beaucoup percer dans le rap. Et je sais qu'il faut, voilà, il faut parler à des baltringues pour réussir, tout ça, et il faut avoir des cours. Mm-hmm. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez passer dans le rap? Ouais, j'aimerais bien, ouais, le peur. Ouais. T'as compris? Ah, ok. T'as compris? Ouais, alors en fait, j'aime pas du tout la manière dont tu me parles. Ouais, mais c'est normal, tu t'intéresses pas à moi, non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ok, là, en tout cas, en me coupant la parole, tu me respectes pas. Est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble? C'est plutôt à toi qu'il faut demander. Moi, je veux bosser, je veux développer la voix. On peut se voir une fois. Et si je te transforme, l'essai, c'est bon, c'est banco, quoi. C'est ça? C'est pas me transformer, l'essai, c'est pas une histoire de... Toi, t'es la belle, moi, je suis clochard, t'es la maîtresse, tu domines, quoi. C'est pas une question de domination. Mais moi, je veux rien avec toi, hein. T'inquiète, hein. Moi, tu vois, y a rien, c'est professionnel. T'inquiète pas, parce que tu vas me voir, je suis un peu beau gosse. Mais t'inquiète, moi, je suis travail. C'est-à-dire, même si toi, tu craques, moi, je vais dire... Non, t'inquiète, y'a rien. T'as compris? C'est-à-dire que même si toi, tu quéqueras, même si je te sens, tu vois, intéressé par le bonhomme, je vais dire, écoute, toi, t'es professeur, moi, je suis élève, t'as compris? J'aime pas du tout la manière dont tu me parles. Non, mais vas-y, te vexe pas, c'est pas un râteau, c'est pas définitif. Je trouve un petit peu prétentieux et orgueilleux. Mais non, c'est pas un râteau. Et je pense pas... C'est pas un râteau, c'est pas un râteau, je suis sérieux là. Si toi et moi, tu veux un truc vraiment concret, vas-y, mais en dehors de l'école, en dehors des cours. Mais je te parle pas de râteau et je te parle pas de relations amoureuses. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, maintenant je suis désolé. Moi je peux pas te dire oui, je vais te faire une gâterie. Toi tu vas me donner un cours. Ça je peux pas te le dire. Ça va être stop tout de suite. Voilà. Parce que je ne vais pas te donner des cours. Mais non, mais. Pourquoi? Parce que je veux pas te manger. Parce que je veux pas te faire l'amour, c'est ça l'histoire. Tu dépasses les limites. Je veux pas te faire l'amour. Je ne vais pas te donner des cours de chant parce que tu dépasses les limites. Je suis désolé. Voilà, ok. Si tu veux, on s'arrange. Je t'ai fait un petit truc avant le début du cours, on démarre. Je ne te demande pas ça, en fait. Bah, tu me demandes ça depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas. Je crois que tu ne comprends pas. Tu veux que d'abord on ait un rapport, après on fait des cours? Non, je ne t'ai pas demandé ça. Mamie, elle ne veut pas me donner des cours. C'est pour ça que je ne vais pas te demander. Elle ne veut pas me donner des cours parce que je ne vais pas la grignoter. Allô, oui, excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas donner des cours? Je ne veux pas demander de cours parce que je ne veux pas. Elle veut que je couche avec elle, mamie. Si je couche pas avec elle, elle ne veut pas donner des cours. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Je ne comprends pas là. On dirait, tu sais, Pascal le grand frère au féminin. Ah ouais. Les amis, les news, une chaussette vire au drame et les tendances de Noël. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon. Aussi sont gîtés. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui, avant que Sarah ne prenne le relais sur le VTC ce soir, ça va être énorme. On va parler d'une révélation complètement folle autour des avions. Franchement, ça va intéresser tout le monde, surtout si vous prenez l'avion là pour les vacances. Et puis, nouvelle tendance de Noël et une chaussette qui vire au drame. On va commencer par les tendances de Noël, les amis. Allez. Tiens, le cadeau du jour, ça y est, c'est aux États-Unis, un test ADN pour découvrir eh bien, de quelle famille nous venons à Noël. Alors, des fois, ça peut virer au drame. Ah ouais. On comprend que maman, il y a 20 ans plus tôt, elle était peut-être allée avec le voisin ou que... Voilà, il y a une histoire un petit peu étrange, mais c'est en vogue. Vous mettez le petit coton-tige, vous renvoyez, et puis vous connaissez un petit peu vos origines, vos ancêtres. Pas à 6%, vous êtes de l'Amérique du Sud, à 15% de l'Asie. Et souvent, on se rend compte qu'on est tous un petit peu du monde entier. Ah oui, c'est ouf. Voilà, parce qu'avec les ancêtres, ça a migré, ça a marché, et c'est allé un petit peu partout dans le monde. Mais c'est ridicule. Attends, moi, ça me fait flipper. Imagine, je découvre que ma famille, c'est des criminels. Ouais. Non, mais c'est chaud. C'est déjà un peu le cas. Ouais. J'ai une petite idée concernant ton père. Je te ferai pas l'affront de te dire. À mon avis, c'est Bernard Madoff. On est dans de l'escroquerie financière pure. Christophe au couscous. Oui, c'est vrai. De la société du couscous général. C'est vrai, bravo mon JM. Non, moi j'ai pas besoin de test d'ADN. Hein. Ouais. Je sais très bien que j'ai des gènes africaines. Hein. Ah oui, bah parce oui. Que j'ai entre les jambes. Oh non. Mais en tout cas, tu viens bien de ta famille au niveau de la connerie. Sa maman, elle n'a pas migré. Mais il est fou ce gars. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Alors que toi, je sais pas. Ah oui. Toi, je penserais suédois, toi. Non, la Laponie, il fait très froid. Non, mais les gars, c'est du gratuit ça. Isabelle a fait le 0800 70 42 48. À l'aide, Isabelle. Bonsoir, le Rico Show. Salut, ma Isabelle de Rouen. À l'aide, j'en peux plus. T'as vu, ça va de tous les côtés ce soir, les tacles. Hein. Oui, j'en vois ça. Alors, Isabelle, est-ce que toi, t'es pull de Noël ou pas du tout? Pull de Noël, pas trop. Il y a une espèce de mode en ce moment, oh c'est là. Pour Noël au bureau, les gens se mettent des pulls un peu dégueu, je suis pas trop fan. Ouais, moi non plus, en plus ils ont même fait un concours, un championnat du monde, il y a un type, il a sorti son pull le plus moche, c'est bon les gars. Je peux te dire que c'est que dans les boîtes où il y a des sous, hein. Ils s'amusent à mettre des pulls un petit peu différents, parce que quand t'es au SMIC, le pull à 35 euros pour avoir un cerf qui louche. C'est tendance, mais vous connaissez rien à la mode, hein. Tu sais qu'en Angleterre, c'est la mode de dingue. Tous les mannequins les portent. Oh. C'est vrai. Mais je te le dis, c'est arrête. Tendance. Tous les mannequins. Ah ouais. Vraiment. Et moi, j'en ai quelques-uns à la maison. Ah bah moi, j'ai pas vu des mannequins en portée. Il y a eu surtout des types assis sur un canapé en train de se rôtir à la bière de Noël. Ah ouais. Alors, Isabelle, moi, je te recommande ça. C'est la tendance. Un pull de Noël qui laisse apparaître vos seins. Allez. C'est la nouvelle tendance vestimentaire originale pour les fêtes de Noël. Et a priori, je suis plutôt de ce type de pull. Est-ce que t'en veux un, Isabelle, pour Noël? Allez, pourquoi pas. Mon chéri, il sera très content. Il verra mon petit néné. Il sera magnifique. Eh ben, écoute, on te l'offre. Par contre, on veut un selfie. Ah ouais. Allez, les amis, on va parler d'une chaussette qui vire au drame. Ladies and gentlemen, jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling, taking my baseball cap. Qui dit bonne vanne, hashtag Ricocho sur énergie les amis, on est dans les news et Isabelle est là, elle a fait le 0800 70 42 48. Maïsa, je vais te parler de la maladie du jour. Une chaussette peut être très dangereuse, les amis. C'est pas une vanne. On a un homme de 37 ans qui a été admis à l'hôpital, pour recevoir des soins médicaux. Voilà, cela faisait une semaine qu'il se plaignait de douleurs au thorax. Et on a appris qu'en fait, s'il avait mal, c'est parce que le soir, quand il enlevait ses chaussettes, il les reniflait. Et en fait, je te jure, bah, Isabelle, ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait les chaussettes et il les reniflait. Comme ça, tous les soirs, pour savoir s'il pouvait les remettre le lendemain. Et en fait, ce con, il s'est chopé un truc au poumon à force de sentir les chaussettes. Il adorait l'odeur de ses pieds, en fait. Et la légende dit qu'il marchait pieds nus partout. Bon, en tout cas, en chaussettes, JM. Mais il les reniflait ou il les aspirait? Parce que c'est pas possible d'avoir mal au ventre par l'odeur. Alors, la personne est là, Sylvain. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, moi, je fais ça avec mes caleçons. C'est pas vrai. Voir s'ils sont propres ou pas. Oula, oui. Ouais. D'ailleurs, Sylvain, une chlamydia du nez. C'est terrible, il est sous antibio. Blague à part, moi, c'est véridique. En fait, il y a le chien d'une amie, il a reniflé une de ses culottes et je te jure, il est tombé. C'est pas vrai. Sur ma vie que c'est vrai. En même temps, ta meilleure pote, elle est sale. Je l'ai vue, elle a les cheveux qui collent. Elle est rentrée dans le studio, elle a la mèche qui a touché la porte et s'est coincée les cheveux dans la porte. Isabelle, tu les sens les chaussettes, toi, ou pas un petit peu? T'arrives? Je les sens jusque là. Là, ça, l'odeur arrive. Ah ouais, mais non. Ah ouais, c'est. Mais attends, et Isabelle, le truc qu'il y a, c'est que je pense aux mères de famille, tu sais, dans les chambres des gamins, tu sais pas trop si le caleçon a été mis ou pas s'il est tombé, parce que tu sais comment ils sont, les gosses, quand t'es gosse et tout. La chaussette. Des fois, elle est restée collée, la chaussette. Sous le lit. J'ai un frère comme ça. Moi, il laisse ses caleçons partout par terre, et ma maman, elle ressent. Elle renifle. Ouais. Mais oui. Ah ouais. Obligée, et il paraît que sa mère est défoncée, hein, au caleçon du petit. Non mais c'est ouf, c'est vrai. Bah les mamans, elles reniflent. Moi, je vois encore ma mère avec la corbeille à sentir. Mais c'est normal, le pull, le truc et tout. Des fois, t'as un pull. Attends, et c'est galère pour les mamans qui nettoient H24. Mais je sais, mais les pulls, ok, mais pas les slips. Elles reniflent tes slips plein de dents. Non, pas les slips, un petit pull, un petit truc, une chaussette de rugby qui passe. Je vais te dire, la chaussette de rugby, tu la sens, quoi. Ah ben c'est le syndrome du vestiaire. Hein. Ah ben ouais. Ah, je peux dire, ça pue la chaussette. Hein, ah, ah oui, bah c'est le fromage, hein, c'est la fromage. Ah, c'est du fromage de chèvre là, on y est. Allez les amis, news suivante. Une personne s'est faite arrêter à cause de son chat. À votre avis, que s'est-il passé, Sarah? Bah, je sais pas, il a volé un truc dans une boutique, il est revenu lui a rapporté. Voilà, il l'a rapporté, il est accusé. Oui, c'est oui. Ça. Hein, ton père dit ça aussi pour l'argent qu'il m'a volé le week-end dernier. Hein, on est toujours là-dessus. Sylvain, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, il a chopé la chatte de la voisine. Oh non, non. Le chat. Le chat. Du coup, il y a une embrouille de chat. Ah ouais. Et il y a 30 millions d'amis. Qu'est-ce sur le coup? Allez, les amis, je vous en parle, c'est complètement ouf. Essayez de trouver hashtag Ricocho sur Énergie. RICO Énergie, puis Sarah, le VTC arrive. Hein. Oh, j'ai peur, arrête, tu m'angoisses là. On va annoncer qu'elle est recherchée avec son client dans la voiture, c'est énorme. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne que j'avais. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. N'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. N'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos. T'en aller. Rappelle-toi que je suis un drone, ne vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. J'ai fait pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. J'ai fait pour toi, pour toi. J'ai fait pour nous, j'ai fait pour toi. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Les amis, que du lourd dans l'actu du jour. Hein. Franchement, ouais. Le monde va bien, le monde nous fait rire. Et Isabelle a fait le 0870 42 48. Elle s'amuse avec nous, Maïsa de Rouen. T'es en forme, Maïsa, hein. Je suis content. Ah, ouais. Ah, je la kiffe. Isabelle, 26 ans. Vraiment, c'est un bonheur de t'avoir avec nous. Venez comme elle, hein. 0870 42 48. Le VTC de Sarah arrive. Et là, je vous parlais justement de ce chat hein, qui a causé des problèmes à son propriétaire. Alors, c'est simple. En fait, c'est une jeune femme qui a été déférée au tribunal à cause de son chat. En fait, elle avait un bracelet électronique. Elle devait rester à domicile. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé le bracelet, elle l'a mis autour du cou du chat. Oh. Sauf que le chat, à un moment donné, il a vu maman chat, il a voulu sortir faire un câlin dans le parc, et le truc, il a fait du. Elle est sortie de la baraque, donc les flics sont arrivés, ils l'ont repéré justement avec l'application, ils ont voulu les choper, puis ils se sont tombés sur le chat. Mais non. La risto chat, mon frère. C'est énorme. Ah ouais. Énorme, cette news. Elle est complètement c'est... folle, je voulais vous en parler, Sylvain. Ah ouais, je savais pas que la mère Michel, c'était une caïra, quoi. Ah ouais, bah là on est. Perdu son chat. Non mais c'est complètement ouf cette histoire, franchement. Ah ouais. En fait le chat avait fugué, donc elle s'est dit le chat ne va jamais trop loin, il reste dans le périmètre. Sauf non, que les chats, attends, les moi chats... j'ai vu la vie secrète des chats sur TF1. Elle a pas vu ou quoi? Non mais je vous jure, les chats ils font des bornes, c'est un truc d'ouf. Ah ouais t'as un chat toi Isabelle? Oui, j'ai un chat, petit Simba. Eh ben écoute, oh petit Simba, c'est gentil. Est-ce qu'il a croisé Nala? Pour que peut-être de croiser Nala. Moi, on a dit non. Ah, la légende dit qu'il a croisé Pumba. Il peut plus parler. Apparemment, il a passé un sale quart d'heure. C'était pas la folie. Allez, les amis, vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se passe dans les avions. Évidemment. Alors, cette bouffe des avions, franchement. Oui, alors. Hein, vous voyez, quand on vous sert le plateau, ouais, les fromages, ouais, les yaourts, c'est jamais trop terrible. Alors, on a faim. Et on se dit qu'on a payé très cher le billet, ah oui, donc on a quand même envie de rentabiliser. Alors au début, tu sais, on boit que l'eau, après on mange que le pain, ouais, après on s'attaque au beurre, puis finalement, la petite salade, elle est bonne, puis finalement, le poulet cuit chaud, ouais, que le voisin mange, il est pas mal, et finalement, tu ratisses tout. Et tu finis le plateau du voisin, surtout. Ouais. Vous mangez pas ça, monsieur? Allez, allez. C'est vrai, il laisse toujours traîner un pain, un truc, un fromage, t'arrives, tu poses le grappin sur le truc. Mais c'est vrai, et donc je me suis toujours dit, est-ce que c'était comestible? Toi, par exemple, Isabelle, ça te fait kiffer ces plats ou pas? Ah non, non, surtout je voyage là dans deux jours, vous êtes en train de me faire peur, mais à fond. Ah bah, je vais te faire flipper. Alors en fait, on a un pilote privé, hein, donc lui, il est sorti des compagnies classiques, c'est pour ça qu'il se met à jacter, hein, tu m'étonnes bien. Il s'appelle Randy Jones, et en fait, il affirme que le personnel de bord ramasse les déchets du vol précédent et emballe les repas destinés aux passagers du vol suivant. C'est-à-dire que vous, vous chipez le petit bout de pain, les petits trucs, même si les trucs ils sont touchés, ils te le resservent dans ton plateau. Oui. En même temps, c'est écolo, c'est du recyclage, mais ils vous le resservent sur le plat. Mais je sais qu'ils font ça dans les bars, tu sais, les cacahuètes, tout que les gens mangent pas. Ça, ben ça, c'est obligé directement. Je connais un restaurant couscous aussi. Avec les olives que vous mangez pas. Moi, je te jure que je paye pour pas repasser derrière les olives de Sylvain. Alors, à part de ça, il dit voilà, le vol suivant, quand vous avez les petits, les gants, vous savez, les couvertures, il les refout dans le plastique où il veut les redistribuer, elles sont pas nettoyées. Donc, vous prenez évidemment la couverture du mec précédent. Le niveau de nourriture, il est pas fait tout le temps. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas à jour et qui sont périmés, ils vous le resservent. Bref, a priori, c'est des trucs qui sont hyper dégueux, quoi. Il paraît même que l'eau à bord est des plus dégueulasses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment boire tout ce qui est en bouteille. Si on vous sert de l'eau qui n'est pas en bouteille, ils se servent de l'eau des réservoirs, justement, des avions. Faut pas te croire, ça. Je te jure, je te jure, t'as jamais remarqué, t'es malade quand tu prends l'avion. Ouais, c'est vrai. T'es toujours au chiotte. T'as tout le monde qui va au chiotte, tout le monde. Mais ça dépend des compagnies, les gars. Je suis désolé. Excuse-nous, on vous la voyage pas tous avec le top du top. Mais non, moi non plus. Mais Air France, ils font pas ça, je pense. Ah, mais Air France, c'est que c'est loin d'être le top du top. Ah, ouais. Ah, je crois qu'on est très mal classé. On est au moins la 50e compagnie mondiale. Je te jure, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Air France, c'est plus que c'était, les gars. C'est vrai que les bouteilles, ils les ouvrent pas devant nous. Tu vois, ils nous servent. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils remettent le coca dedans dans la bouteille. C'est vrai. Et quand tu vas au bled, le nom de la bouteille, elle est chelou. C'est-à-dire que je te dis, on va au bled, elle est non identifiée, celle-là. On en profite. Non, mais c'est vrai. C'est complètement ouf, cette histoire. Non, mais ça vraiment. Ça me dégoûte. Si non, moi qui suis économe, j'ai toujours le siège vers les chiottes. Ah, ouais, d'accord. Je peux dire que la bouffe, elle sent les chiottes. C'est vrai. Ah ouais. Ils sont contents parce qu'ils viennent de faire et ils voient la même chose que ce qu'ils viennent de faire. Allez, Imagine Dragon sur Energy. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Without the peace, face a bit of the truth. le VTC de la peur, c'est maintenant, tu y vas. Je sais que t'es hyper stressé. J'ai peur. Tu vas recevoir un client, on va allumer la radio et on va t'annoncer recherché. Souhaitez-moi bon chance, j'ai très peur. Allez, bon chance, vas-y. Vas-y ma Sarah, le temps pour moi de faire un bisou à Isabelle. Isabelle, merci d'être passée, on s'est régalé avec toi. Merci à vous, vous êtes super, merci beaucoup. On t'aime Maïsa, et puis bon voyage et bonnes vacances, on t'aime fort Maïsa. Merci beaucoup, je vous aime aussi. Plein de bisous, quel bonheur de t'avoir. Et les amis, je viens d'apprendre un dos, là je vous le dis rapidement, Casino va chauffer ses magasins avec un ordinateur, justement c'est une solution écologique. Et franchement, je comprends pas parce qu'il suffisait de se brancher à la mère de Sylvain. Et toute la France aurait eu chaud. C'est gratuit ça. Les amis, Sarah est partie. Je vais vous expliquer un truc concernant le VTC. Ce n'est pas ce qu'elle croit. Dans une minute, vraiment, c'est une minute. Vous pouvez chronométrer. Ce qui va se passer là est énorme. Vraiment, je vous en parle là. Une minute, je vous jure. Et supercherie de ouf. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question glandue, non? Non, j'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais. Ah, ah ouais. Dis donc. Après, c'est, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Ouais. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, Kenji Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vita et Slimane, Dua Lipa, Maître Gims, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, je vais tout vous expliquer concernant Sarah. Déjà sachez qu'elle est partie avec un téléphone de production, que j'ai gardé son téléphone pour lui dire qu'en fait, le sien on entendait très mal dans le VTC. Je vous explique ça dans une minute, pour être bien sûr qu'elle ait quitté les locaux parce qu'Énergie est diffusée partout dans l'immeuble. C'est un truc de fou. Les amis, on va se faire une patate chaude. Là, le temps qu'elle s'installe et qu'elle récupère son client, vous venez 0870 42 48. On vous prend, c'est gratuit les amis, vous participez 0870 42 48. On aura aussi Benjamin. C'est Benjamin, il est à la rue, il habite dans sa voiture. Ouais. C'est triste à dire. Hier, vous le savez, je l'ai invité à passer le nouvel an avec nous. Ah, d'ailleurs, si vous voulez venir, c'est ricochopublic avec un c@gmail.com et on va passer vraiment 10 heures avec lui. Je vais prendre vraiment le train, l'hôtel, tout. On va kiffer avec lui, ça va être énorme, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui veut lui remonter le moral parce qu'il est vraiment au bout du rouleau et on est une grande famille, on se doit de le faire. Ah okay oui, évidemment. Bon, elle a quitté Sarah l'immeuble? Allez, je vous explique le VTC de la peur. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Oui, les amis, Sarah pense remplacer Malik ce soir parce qu'elle est micro d'or. En fait, il n'en est rien, les amis. Puisque ce soir, le client, c'est un ami. Un ami qui va arroser l'arroseur. Oui, elle pense piéger quelqu'un, mais c'est lui qui va la piéger. Elle va passer une course des plus horribles. Et d'ailleurs, il est là, c'est mon pote Castros. Ça va, Castros? Ça va, frérot. Je sais que tu vas monter dans cette voiture. Elle va venir te récupérer en pensant que t'es un client classique. Et en fait, non, tu vas être guidé par les auditeurs du Rico Show, par l'équipe, pour lui faire vivre une course en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire, mon Castros? Oh, je vais lui faire la misère, mon gars. Peu importe quoi, je sais pas si elle essaie de me faire rentrer dans un truc, je vais rentrer dans son jeu, mon pote, je vais te la rendre ouf, la Sarah. Il ne reste pas 10 minutes avant qu'elle lâche la voiture et qu'elle se barre en courant. Et une fois qu'elle allumera la radio et qu'on annoncera qu'elle est recherchée, je sais que toi, ça va pas du tout te faire peur, au contraire, ça va renforcer tes qualités de branleur. Ça va me chauffer encore plus, t'inquiète pas. Ça va être complètement ouf, les amis. Castros, est-ce que t'es prêt? Je suis bouillant. Vas-y, mon poteau, c'est parti. Sarah pense récupérer un client classique, mais en fait, elle est tombée ce soir sur Alaska. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. S'installe dans son VTC, ça y est, et Castros est parti la rejoindre en bon client. En fait, Sarah pense attendre l'adresse hein, pour aller récupérer son client envoyé par l'application de Malik. Évidemment, puisqu'elle ne l'a pas en sa possession. Autant vous dire que mon pote va lui faire passer une course d'enfer, les amis. Le temps qu'ils se connectent tous les deux, c'est la patate chaude. Tout le monde se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, Sylvain, JM et Victor qui remplace Sarah, Victor notre stagiaire. Victor, t'as été bon hier. Hein. Ah oui, merci. À fond mon Victor, Thomas est là, ça va Toto? Salut l'équipe, salut tout le monde, comment ça va? Ça va mon Toto, tu prends qui? Moi je prends JM. Allez bien Toto joué. Salut Olivia, tu prends qui ma Olivia? Me déçois pas. Salut ma Olivia, tu prends... Ah ok, on n'a pas entendu mais j'imagine que c'est Sylvain. Ça va mon Jordan? Salut Rico, salut toute l'équipe. Mon Jordan, t'es avec le stagiaire, mais le stagiaire était bon hier. Attention Jordan. Ouais. Hein. Ouais, on est là. On est là, yes, ouais, Jordan. Petit ouais. On y va, c'est parti, la patate chaude, top, on y va. On démarre avec toi Victor en 2003 qui chante « C'est démêlé avec le fisc dans ma liberté de penser ». Passe. Florent Pagny. En quelle année le général de Gaulle a-t-il lancé son appel du 18 juin ? En 40. Bonne réponse mon Victor. Ah, attention ouais. Sylvain, quel super-héros doit ses pouvoirs à une piqûre d'araignée mutante? Ah, Spider-Man. Bonne réponse. Attention JM, quelle couleur est associée au mot carte pour désigner le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile? Gris. Bonne réponse. Grise. Quel film a révélé Sophie Marceau au grand public en 1980? La Boum. Bonne réponse mon Victor. Dans un poème, combien de vers compte un sonnet? Quoi? De vers? Bah, les vers de terre ou... je sais pas moi. 14 mon poulet. Attention, quel ensemble peut être à cordes symphoniques ou philharmoniques et placé sous la baguette d'un chef JM? La baguette? Ouais, Sylvain, pardon. Chef d'orchestre. Ouais, bonne réponse. Attention, quel nom est donné à la fois aux footballeurs de l'équipe de France et aux hématomes? Les bleus. Attention Victor, à quel nom se rapproche l'adjectif nocturne? Nuit. Bonne réponse, attention, ouais. Sylvain, quel est le féminin de l'adjectif long? Longue. Bonne réponse, attention, oh là là, JM. Allez, JM m'a pris la patate. Désolé, mon Thomas, t'as perdu, mon Thomas. Oh là là, Thomas. Thomas, non mais réécoute gros, j'ai pas pu poser avoir ma question, j'en ai marre. C'est tout le temps comme ça, j'ai plein de plans. Là, je demande la vidéo, là, je demande l'arbitrage. Là. Thomas, tu vas voir un avocat et vous revenez à la rentrée. j'en ai marre de ce jeu. Allez Thomas, je te fais un petit cadeau. Joyeux Noël mon poulet, on t'aime fort. Attention au final, Victor, Sylvain, vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Top à la finale. Attention, Victor, quel état est appelé le pays du soleil levant? Le Japon. Bonne réponse. Attention Sylvain, quel produit d'entretien doit-on passer quand on réprimande quelqu'un? Le produit d'entretien? Ouais, qu'on passe lorsqu'on réprimande quelqu'un. La Javel? Un savon. Quelle est la plus grande île de la Méditerranée, Sylvain? La Corse. La Sicile, toi qui es italien, en plus qui viens de là-bas. C'est gentil. Attention, selon l'usage, quand vous dressez une table, de quel côté de l'assiette devez-vous placer le couteau? J'ai jamais à gauche. À droite. Merci. Qu'est-ce qui peut être à outil, à lettre ou le Pandore? La boîte. Bonne réponse. Attention, mon Victor, au cours de quel mois de l'année l'été se termine-t-il dans l'hémisphère nord? En septembre. Bonne réponse. Attention, Sylvain, en quel mois était-il célébré la fête nationale des États-Unis d'Amérique? Le 4 juillet. Bonne réponse, mon Sylvain. Quel est le symbole chimique de l'aluminium, Victor? H. À elle. Quelle est la lettre centrale du mot antitude constitutionnellement? La lettre centrale. Ah. Non, le T. Conjuguer le verbe falloir à la troisième personne du singulier. Je fais, j'en suis. Ah, il a fallu. Ouais. Espèce de phallus. Victor s'est perdu, c'est Sylvain qui l'emporte. Ah bah ouais, un stagiaire quand même. Bravo Olivia. Olivia, tu l'emportes grâce à Sylvain. Bravo ma chérie. Ouais, merci. Et bravo mon Jordan, on va te faire un cadeau. Merci d'avoir choisi le stagiaire contre mauvaise fortune, bon cœur. On va te faire un cadeau mon Jordan d'amour. T'inquiète pas, ok? Bisous mon Jordan, les amis, c'est le VTC de la peur. Sarah est en place et mon poteau Castros aussi. Ça y est, il me dit je la vois. Il m'a envoyé un petit texto, il m'a dit je monte quand tu veux dans le VTC. Comment va-t-elle réagir? Elle pense récupérer un client normal. Et en fin de compte, c'est mon pote qui va lui faire vivre l'enfer dans ce VTC, les amis. On se met Drake là sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Derrière, c'est le VTC de l'arroseur arrosé. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, dile que tú eres mía. Está mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar, para nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más, dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar, dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Entera, pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. de 20h à 23h. Sur Énergie. Et les amis, Sarah qui ne se doute d'absolument rien est en train d'attendre son client à l'adresse indiquée. Ouais. Elle vient de le recevoir. On va se connecter. Elle n'a rien entendu de ce qui s'est passé. Elle a un téléphone de production. On a subtilisé son téléphone. Personne ne peut la tenir au courant. Et juste qu'au moment où elle va récupérer son client, elle a un stagiaire qui s'assure qu'elle n'allume pas la radio, hein, qui la détourne, les amis. Sarah, alors on en est où ? Bah écoute, j'attends le client, par contre, j'ai les mains moites, je flippe de ouf, Rico, je te la vérité. Oh. Non mais j'ai peur parce que le mec, quand il va voir que je suis une criminelle meuf, comment il va réagir ? Moi j'ai hyper peur. Écoute Sarah, ça va bien se passer, il arrive, tu bouges pas. Le kiff en continu, c'est le Rico Show. Le Rico Show. 20h, 23h sur Énergie. Il est temps de se connecter avec Castros. On a une Sarah qui pense récupérer un client lambda. Hein. Ouais. Elle a eu l'adresse par Malik qui, soi-disant, a allumé l'application. Autant vous dire qu'elle est certaine de tomber sur le client classique. En fait, ouais, c'est mon pote Castros qui va lui faire vivre l'enfer. On se connecte. Ça va, Castros ? Ça va, nickel, ça y est, je suis dans la rue là. D'accord, mon petit poulet. Normalement, le point de rendez-vous, elle y est depuis un moment, elle t'attend, hein, elle s'impatiente. Elle est flippée, ouais, elle me dit, ouais, il va jamais descendre. Je vois une voiture devant moi, je crois que c'est elle qui va flipper, mec. J'ai une tête, on dirait un braqueur de banque. Il y a déjà deux meufs qui ont changé de trottoir rien qu'on me croise dans la rue. C'est pas vrai. Comment t'es, raconte-moi. Je fais flipper. J'ai ma parka à capuche, pull capuche, casquette, lunettes de soleil, mon pote, laisse tomber, on dirait Maître Gims en concert. C'est bon ça. C'est bon, le pire de Maître Gims, en fait, c'est le clip hein, qu'on est, ouais, en train de tourner. Ok, on te suit, Castros, tu montes dans le véhicule quand tu veux. Sarah ne nous entend pas. Hein. Bah, de toute façon, j'arrive, là, je bouge pas. Eh ben, écoute, sur la voiture, donc à partir de maintenant, les gars, on se parle moins, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais, on okay, te parle et tu, voilà. Bonjour, c'est moi. Entrez. Bonsoir, oh là là, dis donc, il fait si froid que ça dehors, vous êtes bien mis tout fait, on dirait un gland. Oh là là, on voit rien, on voit que vos yeux. C'est le but, il fait un peu froid dehors. Ah, bon, mais c'est bien, mais vous, ici, vous allez voir, vous allez avoir vraiment très très chaud. Pas mal, ah non, c'est mon petit, il le remplace, il est malade le pauvre. Les amis, c'est très bien parti. C'est le VTC de la peur. Donc alors du coup, attendez, vous allez où? Attendez. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec ma voix, sans doute. Ouais, hein, c'est chelou, elle va pas du tout être bottée. On me dit souvent, je suis plus jeune, c'est ça? Ouais, je sais pas vraiment quel âge vous avez. Alors j'ai 70 ans. Ah j'avoue, ouais. J'avoue, ouais, vous faites un petit 50, 55, papier. C'est bien fait. Alors, le chirurgien esthétique qui m'a refait toute la façade, ainsi que les herbes, il n'y a que la tuyauterie qui est encore un petit peu lissée. Oh non. Je vous jure, oui, Non, parce qu'il y avait un truc qui pendait derrière sur votre dossier. Je croyais que c'était la moumoute, mais en fait c'était vos cheveux. Pauvre dame, comment vous parlez à une vieille dame comme moi? C'est ouf, on dirait un bison, c'est tout. Mais vous êtes complètement... Par contre, balai pattes, vous ne touchez pas à mes cheveux. Pardon, je suis non. Ce soir, Castros, piège Sarah, c'est l'arroseur arrosé. On se reconnecte dans le VTC. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Elle n'a pour l'instant pas vu le piège, hein, qui lui est tendu. On se reconnecte. Par contre, ça me gêne vraiment que vous me matchiez comme ça. Matelas, oui, matelas sale. Si on enlève la gaine, c'est comme l'étiquette sur le fourmi, à tout qui retombe. Oh c'est énorme, je sens bien ce VTC, je sens bien l'angoisse sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages. dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Les avis, Sarah a changé de ton, j'ai tendu l'oreille là pendant le titre. Elle a enlevé sa voix, ça part en embrouille totale. Alors je vous explique pourquoi, parce que on l'a pas, en fait je lui ai privé de retour. Elle sait pas ce qui se passe en plateau, elle est un peu livrée elle-même, elle est en angoisse. Évidemment je laisse la priorité à Castros d'entendre toutes nos vannes et pour le guider un petit peu. Elle est en train de se faire piéger complètement et franchement elle ne rigole plus du tout. C'est le VTC. Le Rico Show, 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Eh oui les amis, on est là avec vous jusqu'à 23h. C'est le VTC de la peur. Sarah pensait remplacer Malik et piéger un client, mais en fait le client c'est un copain, Castros, qui lui fait vivre l'enfer. Et je crois que Sarah n'en peut déjà plus hein. Voilà maintenant 10 minutes qui sont dans le VTC, elle est déjà en craquage. Écoutez, on se connecte. C'est bon tes cheveux, tu l'as avec quoi? Bah avec du shampoing en fait. Par contre, si tu pouvais éviter de me toucher les veuches. J'adore cette voix en plus. Ouais. Ça fait un peu brésilien, travesti, tout ça, j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Par contre, ça me met mal à l'aise. T'as les couilles en main comme les brésiliens et tout, là, c'est si pareil. Tu pouvais, s'il te plaît, soit retourner derrière ou soit rester à ta place. J'ai, en fait. J'ai proposé d'aller derrière. Voilà, c'est gentil, merci. Je te trouve vraiment super joli. Bon, je vais changer l'adresse et puis on va refaire. Par contre, je me suis trompée là. Oh là là, je t'ai trompée. Non, attends, la passe, exactement là. Rentre dans la passe là, reste un petit peu. Par contre, vraiment, non mais écoute, vraiment, s'il te plaît, on peut s'en tenir à la course, d'accord? Pas de soucis. Et basta. Que tu vois, au début, je te trouvais sympathique, je me disais, il a une tête de gland, mais il est sympa. Et là, en fait, je te trouve moins sympa dans le coup. Moi, au début, je te trouvais vieille, et toi, je suis prêt, encore plus vieille. Tu suis vraiment de la bouche, vraiment. Regarde. Pas venir celle-là. Ouais, mais j'ai mangé juste avant. Ouais. Ne parle pas. Oh le bâtard. Merci. On redescend bien comme il faut. J'aime vraiment quand vous me donnez des ordres comme ça. Bah, je vais t'en donner des ordres, il n'y a pas de soucis. Hein, aboie comme un chien par exemple. Ouh, j'en ai un. Non. Un chien, t'aboies comme un chien. Voilà, bah, c'est bien. Ouais, bah je sais pas, moi t'aimes bien les animaux, fais la chèvre. Tiens. Ça part en vrille, ce VTC les amis, il est complètement ouf, franchement, on se régale, je sens Sarah au bout du rouleau. Ah ouais. Je vais lui envoyer un petit texto, on va essayer de la prendre à part au téléphone pour qu'elle nous donne un petit peu son ressenti. Je crois que Castros là, il y va un petit peu fort les amis. On va l'annoncer rechercher en tant que criminel, on va voir si Sarah est d'accord pour le faire. Ouais. Parce que là, je la sens en angoisse, elle n'est pas au courant que le client est un ami qui la piège, c'est l'arroseur arrosé ce soir. Alors Sarah ne nous entendait pas, non, je vous le dis, pendant sa course, et elle n'est pas bien du tout, parce qu'on est en train de la piéger. On va la prendre. Je vous dis, elle est en colère de ouf. Elle vient d'arrêter sa course. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'elle ait envie de continuer. Ah ouais. On va la récupérer. On va invoquer un problème technique, une histoire. Ok, les gars, vous êtes avec moi. Ouais. Hein, je vous rappelle qu'elle n'a pas son téléphone, qu'elle est coupée du monde et qu'elle a un téléphone de production. On se connecte. Ah. Ouais, Sarah. Ouais, non, par contre, j'arrive Sarah. Pas à un coup de fil. Il y a ma mère qui est malade. J'arrive tout de suite. Sarah! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vous, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, je vous entends pas. Je suis en angoisse. Le mec, c'est un psychopathe. Mais nous, on t'entend. C'est toi qui nous entends pas. Je sais pas ce qui se passe, parce que nous, on t'entend. Ouais, on te parle même. Oui, non, je mais te jure qu'on te parle. Non, mais Rico, il y a quelqu'un en protection. Il y a quelque chose. Là, je suis sur un client qui est un peu fou. Au début, je jouais la drague et tout en pensant l'impressionner. Là, je t'explique. Le mec est à fond. Je lui ai tendu une perche. Il ne me lâche pas. Il me drague. Il fait des bruits d'animaux. Il est enmitouflé. Oh, nous, c'est pas ce qu'on ressent. Ouais. Nous, on a l'impression que c'est bon enfant. Je te jure. Ouais. Tu te fais un film. Non, mais sur 100 vannes. Sur la vie de ma mère. Non, nous, on se régale. Franchement, il y a un truc. Il te touche un peu les veuches et tout. Tu l'as un peu taquiné. Il a joué. Je crois que tu te fais un film. Non, mais il m'angoisse. Mais je pense que Sarah, ce qui t'a angoissé, c'est de ne pas nous entendre. Eh oui. T'avais l'impression que t'étais avec un gars livré à toi-même. Ouais. Mais c'est ça, je suis livré à moi-même. Et le mec, tu te jures, c'est un fou, il fait des bruits d'animaux. Vous avez entendu les bruits d'animaux quand même? Ouais, mais il te chambre, dans la vanne. Ah ouais? Ouais, bon, on fait quoi? On fait le flash info ou pas? Franchement, je compte sur vous. Me laissez pas là. Moi, je vous entends pas. J'aime pas ça. Bah, vas-y, t'inquiète. On va réparer ça. Tu vas nous entendre, d'accord? Vas-y. On t'envoie quelqu'un. Bon, vas-y. Vas-y.

and something human, human. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, c'est maintenant. Sarah pense piéger une personne dans son VTC, un client, hein. Mais en fait, c'est l'arroseur arrosé. Oui, elle a remplacé Malik au pied levé qui est pas disponible ce soir. Et comme elle est micro d'or, un meilleur membre de l'équipe, on a dit tu vas t'y filer. Sauf que le client du soir est un ami et il est en train de la piéger comme il faut. Elle va allumer la radio, on l'annonce recherché et lui, vous allez voir qu'il va vriller complètement et elle ne pourra même pas rallumer la radio pour désamorcer la vanne. Oh, c'est, hein, c'est complètement fou, c'est dans une minute. Et puis après, vous allez voir, on a des histoires complètement folles. On va aider des copains du Rico Show. Et puis, vous le savez, ça vous a touché hier. Benjamin, qui vit dans sa voiture, ouais, il aura le témoignage d'un copain du Rico Show parce qu'il l'a senti en peine, il l'a senti en galère et il a envie d'être là pour lui. On aura aussi, puisque Noël oblige, on a promis dans cette émission de réunir les familles pour Noël, ouais, une histoire franchement poignante. On vous en parle juste après le VTC. On espère qu'ils passeront Noël ensemble, ok? On se connecte avec Sarah dans le VTC et son client du soir qui n'en est pas un et qui lui fait vivre l'enfer. Changer la destination, on va rester encore un peu ensemble. Non mais tu peux pas, par contre tu ne peux pas changer de destination quand la course elle est... Ah t'as modifié la course. D'accord. Sarah, si tu m'entends, dis que ça va pas. Alors par contre, ça va pas. Je fais ça parce que depuis le début, elle ne nous entend pas dans le VTC. C'est bon, Sarah, tu vois, ça fonctionne, tout va bien. Tu peux lui proposer la radio, on va annoncer que t'es recherché. Je sais que tu trembles. Est-ce que, tu sais quoi, pour couvrir ta voix, si on pouvait juste mettre un peu la radio, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Donc je vais allumer la radio tranquillement. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout ça. Très bien, les amis, on est là sur Énergie. Et vous le savez, nous interrompons la musique, c'est pas dans nos habitudes, mais nous sommes obligés de le faire parce qu'une information particulière vient de nous parvenir. Et d'ailleurs, Jean-Marc Nichagnan, notre journaliste, est là pour nous en parler. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Aymeric. Alerte, celle qu'on surnomme la mamie sanguinaire serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de sa Citroën noire. Elle se fait passer pour une dame de 72 ans et se sert de son physique de jeune première pour séduire ses proies en vue de les séquestrer dans sa planque. Pour y parvenir, cette mente religieuse extrêmement dangereuse se fait passer pour une chauffeuse VTC afin d'enlever ses clients en pleine course. Si vous la croisez, fuyez avant de contacter les autorités au plus vite, Aymeric. Merci Jean-Marc, on vous tient au courant, on repart en musique sur Énergie. Ça y est, c'est une vanne, hein, c'est une supercherie. Castros, le faux client, sait désormais que Sarah est recherchée et elle pense vraiment le piéger. On écoute ce qui se passe. Attends, là c'est toi qui parles, hein? De quoi, c'est moi qui parle? Là, le message à la radio, là, c'est toi qui parle. C'est toi, la critique de jeune première. Elle va pas la lâcher. Citroën noire. Bah non, c'est pas moi. Et là, c'est toi. Bah non, c'est pas moi. C'est toi, donc toi, là, t'as cru que t'allais venir me piéger, là. Mais je te dis que c'est pas moi. Tu m'as pris pour un coup. Mais je te dis que c'est pas moi. Bon, oui, c'est moi, maintenant, tu vas te calmer, ok? Moi, je suis une gangster. Elle sera la tête de l'homme. Il y a deux minutes, tu... Mais calme-toi. Mais tu te calmes. Mais t'es fou. Mais t'es malade ou quoi? Je vais appeler mon gang, tu vas voir. Eh, calme-toi. Eh, calme-toi, je te dis. Eh, vas-y, lâche-moi, par contre, mais t'es sérieux ou quoi? Eh, vas-y, lâche-moi. J'ai coupé la liaison avec Sarah. On se connecte avec celle de Castros, mon pote, qui est en train de piéger Sarah. C'était une blague. Écoute-moi, je travaille. J'en ai rien à foutre de ta blague, maintenant, j'adore cette blague. Écoute-moi, c'est une blague en fait. Mais c'est une blague. Mais c'est toi qui crois que c'est une blague, moi je blague pas du tout, moi. Écoute, enlève ta main, Non, il empêche d'allumer la radio, je vous rassure, la main est sur la radio. Tu allumes pas la radio, tu crois que tu vas mettre du son pour couvrir ma voix, tu allumes pas la radio. Garde-toi dans la petite impasse. Là maintenant, juste après le coup, tu gardes maintenant. Vas-y, je mets le frein à main. Vas-y, je te laisse pas partir. Écoute, tu vas regretter après. Je te jure, tu vas regretter ce que t'as fait, ton attitude. Laisse-moi allumer la radio. Tu vas regretter ton attitude, t'es passé sur Énergie devant tout le monde là. Je m'en bats les couilles. C'était une blague. Allume la radio, Castro. Y'a pas de blague, y'a pas de blague. Lâche ma main, s'il te plaît. Sarah, t'es en direct sur Énergie, on t'a piégé. Eh oui, Castro, c'est un ami à moi qui t'a piégé. Il était dans la combi, tout va bien, Sarah. Hey, bon, alors ça, j'ai failli la rattraper dans la rue, mec. J'avais besoin de sauter par la fenêtre. Castros, passe-moi Sarah, passe-moi. C'est une blague. Passe-moi Rico, c'est une blague. Mais c'est un non, toi. Sarah, allô. Le micro d'or, il a coulé du monde. Mais vous êtes

c'est pas toujours évident. Les fêtes, ça rappelle aussi des souvenirs un peu durs hein, quand, ouais. quand on est tristoun. Mais nous, on est là avec vous. 0800 70 42 48. Un qui a vécu un moment un petit peu compliqué et qui vit un moment compliqué, c'est Benjamin. Mon Benjamin qui dort depuis 3 mois dans sa voiture. On l'a eu hier, hein, puisqu'il est venu témoigner pour Marc qui était également dans la rue. Ça va, Benjamin ? Salut Rico, bonjour l'équipe. Salut Benjamin. Benji. Alors Benjamin, je sais que c'est compliqué pour toi. Actuellement, tu vis dans ta voiture, t'es dans le Pas-de-Calais. Alors c'est fait, hein. T'as vu Benjamin, on s'est occupé de toi aujourd'hui. Tu vas venir fêter le nouvel an avec nous et puis on va te prendre l'hôtel, etc. On va te changer les idées pour les fêtes. D'accord mon Benjamin ? Ouais, c'est super gentil de votre part. Bon, t'inquiète, on va se faire ce kiff-là. Benjamin, si on te récupère ce soir, c'est parce qu'on a un message d'espoir pour toi qui est fou. On a une personne qui nous a appelé hier au standard et qui a dit « Je veux vraiment aider Benjamin ce soir. » Je sais que Benjamin, t'es dans la panade depuis 3 mois là, hein. Ouais. T'as fait 3 mois que c'est dur pour toi. Il est tout tristoun. Je sais qu'hier il m'a dit en antenne c'est mon seul kiff, c'est de vous écouter à 20h parce que mes journées elles sont dégueulasses. Benjamin, on va s'en sortir ensemble et on va pas te lâcher, ok Benjamin? Ouais, je te remercie Rico. Bon, allez, t'inquiète pas, on va te passer ce message là. On a quelqu'un pour toi, tu bouges pas mon Benjamin. Et puis on a Ben aussi qui lui a un petit souci. Bon, lui c'est d'ordre financier, vous allez comprendre pourquoi. Bon, bien fait pour lui ou pas, on va le savoir, hein, vous allez me dire. Ça va mon Ben? Ça va Rico, ça va tout le monde? Salut mon Ben. Qu'est-ce qui s'est passé mon Ben? Raconte-nous, tu portes un fardeau depuis l'été dernier, raconte. Ouais, sévère, on va dire que je me suis fait un petit kiff l'été dernier, c'était le mariage d'un de mon meilleur pote. Hein. Ouais. Et on s'est fait un petit kiff, on s'est dit on va louer une belle voiture de luxe pour lui faire plaisir. D'accord, okay. Ah ouais d'accord, donc même pas pour ta tronche, ok. Donc là vous louez quoi Ben? Pour lui faire plaisir, bah j'ai loué une Lamborghini Gallardo Spider. Oh là là, ça tue ça. Okay. Un beau petit missile quoi. On me dit qu'il y en a que deux en Europe. Il y en a que deux en Europe. Ah ouais. Celle-là, il y en a que deux. Il y en a eu que 10 produites et il y en avait que deux en Europe. Ouais. D'accord. Et donc du coup, tu loues ça pour te faire le kiff. Combien ça coûte ça, un truc comme ça? Bah la location, je l'ai payé 3 000 euros et à côté, j'ai laissé un chèque de caution de 25 000. D'accord. Ah ouais. Et t'as fait ça avec des potes? Vous étiez combien dessus? On était deux à payer, puis moi j'ai laissé le chèque de caution parce que c'est moi qui conduisais. D'accord, impeccable. Donc tu dis je vais faire ce kiff. Joli cadeau, hein. Rappelle-moi oui, d'être copain avec toi Ben. Hein. D'ailleurs, on est des potes, t'écoutes le Rico Show, je t'attends ce week-end. Ah oui. Mais du coup, ça s'est mal passé mon Ben. Et donc bah du coup je loue la voiture, je sors du loueur et j'ai loué cette voiture sur la ville de Bordeaux. D'accord. Et comme je suis pas trop du coin, je connaissais pas trop la ville. Ouais. Donc je sors de chez le loueur, je fais allez 800 mètres, je loupe une priorité à droite, je me fais taper par un poids lourd. Ouh là là ! Et c'est toi qui es en tort, puisque tu manges la priorité à droite. Je mange la priorité à droite et le poids lourd arrivait, bah il arrivait pas vite, mais bon, un poids lourd contre une voiture comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Oh là là, et toi ça va physiquement ? Comment t'es ? Absolument rien, j'ai pas une égratignure. C'est les bonnes caisses, hein. On va en parler, les amis, depuis il est dans une panade terrible. Et puis je vois Sarah qui arrive, les amis, zoom de Sopra, et je vous explique qu'il paye encore les conséquences de ça. Vous allez voir. Alléluia, Hermano Sopra Mbaba, Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc. Oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées. Mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Viens rentrer dans la leyenda. Ah, c'est zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Diego Maradona. Comme merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Jamais on trahira la ronde. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Show. 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Avant d'avoir un message d'espoir pour Benjamin qui vit dans sa voiture depuis plus de 3 mois et qu'on va être là. Hein. On va être là, je perds mes mots, on sera là pour lui. Voilà. Ouais, oui. Qu'on va prendre en charge ce que je voulais dire pour la nouvelle année et qu'on soit avec lui. De toute façon, voilà, il n'y a que de l'amour pour lui. On l'aime très fort et il y a du bon. On aura aussi un fils qui va faire une déclaration à sa maman. C'est un jour un petit peu compliqué pour lui et il a des bonnes nouvelles à l'approche de Noël. Moment compliqué pour sa famille. Et puis Ben qui a loué une bagnole et c'était une Lamborghini qui s'est faite écraser. On en parle. Sarah est de retour, ça va Sarah? Je l'ai mauvaise. Ah oui? Comment te dire? J'ai même pas envie de te parler. Bandera ton père hein, pour l'escroquerie du couscous. Hein, la sorcellerie du couscous qui m'a faite. Hein, me faire payer comme ça 250 euros, hein, tomber de nulle part. Je fais traquer sa fille. Tu t'es bien mangé, j'ai eu la peur de ma vie, merci. Franchement, c'était merci. Énorme. On s'est tapé une barre. Hein. Ah, franchement, ouais. Sur les réseaux, ça réagit énormément. Merci d'être là. Hashtag Rico Show sur Énergie. Donc Ben, tu nous disais, tu te fais engloutir par un poids lourd, t'as loué une caisse, t'as laissé 25 000 euros de caution, t'as grillé la priorité à droite. Du coup, comment ça se passe, Benjamin? Eh ben, comment ça se passe? C'est simple, les 25 000 euros ont été débités de mon compte, même si je les avais pas. D'accord, donc interdit bancaire là. Interdit bancaire total. Les quelques économies que j'avais de côté sont parties. La banque s'est servie, m'a même pas demandé mon avis. Ouais. En fait. Donc, il s'est servi de mes économies. Donc, depuis, je suis en conflit avec ma banque. Oh. Et je suis aussi en conflit avec le loueur. Parce que sur ces voitures-là, le moteur, il est à l'arrière. Ah ouais. Et j'ai appris, peut-être 2 semaines après cet accident, que le loueur avait récupéré le moteur. Oh putain. Ah ouais, qu'il avait revendu derrière. Qu'il avait revendu derrière, et c'est un moteur, ça coûte 60 000 euros. Oh là là. Mais selon la loi, normalement, parce que je me suis renseigné quand même, merde, le moteur est censé m'appartenir. Oh là, donc t'aurais pu revendre le moteur pour rembourser la caution, quoi. Exactement. Et t'aurais pu même te faire un billet. Donc c'est un bon coup d'engloutir une Lamborghini. Parce que si je fais le compte, je conseille pas, tu laisses 25 000 euros. Non mais c'est vrai Ben, tu te fais engloutir pour 25 000 euros, tu revends le moteur 60 000 et puis derrière t'as fait une culbute de 35 000. Ouais. Je vais louer une Lambo. Salut les gars, au revoir. Non mais c'est vrai, et ton pote il a passé un super anniversaire du coup, il est super content. Ah bah, du coup mon pote il a passé son c'était pour son mariage, c'était en Clio. Ah ouais d'accord. Divorcé derrière. Ah ouais, il a même pas remboursé le crédit qu'ils ont divorcé. Vous avez déjà fait les grossistes comme ça, ça vous est arrivé? Ben ouais, moi ça m'est arrivé, tu sais, je viens d'arriver sur Paris, hein, mais je savais pas, ils t'offrent des aides, genre la CAF, tout ça, tout ça. Et ça faisait un an, il m'en avait pas filé. Ouais. Et là, je reçois un truc, je sais pas, genre 1000 euros, tu vois. Alors, je fais quoi? Je sors, je régale tous les collègues et tout. Ils vont pas demander 2000 euros derrière, je te jure. De rattrapage. Rattrapage. Sachant que les 2000 euros, ils te les réclament, mais les 1000, tu les as dépensés, du coup, ça te coûte 3000. Merci beaucoup, au revoir. Elle est pas mal, celle-là. Elles sont fortes, l'État. Non, moi, c'était en plein shopping avec un mec que je voulais impressionner, genre meuf indépendante. D'accord. Donc, j'achète plein de trucs et tout. Oh la débilosse. Alors, mais laisse, j'achète plein de trucs. Genre, j'arrive en caisse, la nana me dit 650 euros. Oh, j'allais vomir. Ah ouais. Là, je savais que je les avais pas sur mais mon compte. Finalement, la jupe n'est peut-être pas à ma taille. On va la reposer. Ah, attends, je savais que je les avais pas. Suspense et tout. Je donne ma carte paiement refusée. C'est pas vrai. C'est pas heureusement que le mec il a mis un petit coup de carte derrière. Oh là là. Petite technique les meufs. Ouais, et derrière je peux vous dire que la Sarah elle a payé toute la nuit. Toute la nuit je peux vous dire que ça a tapé dans la piole. Il a fallu rembourser cette histoire. C'est horrible Sylvain. Non mais je pense qu'elle a demandé la carte à son mec. C'est exactement ce qu'elle a dit. Exactement. Ah ouais, c'est exactement. Si t'écoutais Sarah ça serait très bien. Je comprends que ça déconne dans votre couple. Hein. Non, mais c'est quoi cette histoire? Non mais pareil quand t'es en boîte de nuit là, 3h du mat, tu sais que t'es un peu pompette. Ouais. Tu veux mettre la tournée à tout le monde? Ah ouais c'est vrai. Ah là c'est chaud ça. Ah oui non mais tu te fais jamais avoir toi. Alors, je t'ai vu la dernière fois ses potes ils étaient partis, il y avait un anniversaire, tout le monde mettait sa bouteille, il s'est caché derrière un poteau. Il s'est caché, il s'est mis derrière moi, il m'a mis à l'angle du poteau. On sait jamais que si le gars il a les yeux et qu'il arrive à faire le tour du poteau, t'es un escroc. Ah t'es un crevard. J'étais seul pas bourré, c'est pour ça. Oh là là. Quelle horreur. Oui, il s'est dit je suis pas assez bourré pour payer. Au bourreau. mètres. Non, moi, mon père avait fait une dinguerie. Oh non, j'en peux plus de ton père. Non, mais attends, je t'explique juste un truc. Il avait fait une grosse affaire immobilière et il avait gagné beaucoup de sous. Ouais. Sauf que le gars s'est dit, c'est bientôt le jour de l'an, c'est coco, je vais impressionner tout le monde. Non. Il a loué le kin sur les Champs-Élysées. Il a invité tout le monde, même des gens qu'on connaissait pas. Ouais. Écoute-moi bien, il a éclaté tout le monde. Le lendemain, genre on était en dèche, on a eu après 8 mois de disette, de crise, impayé de loyer, etc. Mais non, je te jure. Je comprends qu'il me vole le couscous maintenant. Allez les amis, on est là sur Énergie jusqu'à 23h. Un message d'espoir pour notre Benjamin. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short road. It's going to be a fine. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on est là avec vous jusqu'à 23h. On va avoir Juju là qui a une super nouvelle pour sa maman à l'approche des fêtes. Il va prendre le contrôle de l'antenne d'Énergie, histoire franchement hyper poignante. C'est, ouais. C'est un vrai kiff de l'avoir. On va se faire aussi un dossier. Il faut que je vous en parle. 33% des Français qui sont engagés dans une relation continuent quand même à chercher un partenaire. Oh, ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, c'est chaud. On va en parler pourquoi, quand, comment. Vous n'avez jamais connu ces potes qui vont de meuf en meuf ou de mec en mec? On va en parler les amis, mais, okay. Mais c'est comme ça. Moi j'ai des amis de 20 ans, j'ai jamais connu célibataire. C'est-à-dire qu'ils font 4 ans avec une meuf, ouais, et après ils se remettent direct en couple. Ouais, ouais. T'as des gens qui ne supportent pas être célibataire et du coup en fait ils sont encore avec la meuf qui cherche déjà une autre meuf. J'ai été dans ce cas, j'ai été cette meuf là, je vous raconterai. Oh là là, c'est ouf. J'aime aussi des choses à dire. Moi je les appelle les Tarzan parce qu'ils vont de liane en liane. Et, ouais, et la plus grosse liane sur laquelle ils s'accrochent, c'est le tombeur. Il faut assurer ses arrières, hein, toujours. Ouais. Ben, on va en parler, on va en parler les amis, ça fait hyper débat. On attaque ça. On a aussi notre Benjamin qui est dans sa voiture depuis 3 mois. On va l'aider. Ok les amis, gros message d'espoir. Ouais, et on prend Julien dans une minute. Le temps pour moi de faire un gros bisou à Ben qui a éclaté sa Lamborghini. Ouh, Ben, c'est des problèmes de riches. Ah ouais, on t'embrasse fort. Tu vas t'en sortir, frérot. Roulant de chevaux. Roulant de chevaux. Savoure la Clio. Avec le sourire, hein, que je te dise. Ouais. Si je peux en pleurer, hein, j'ai rien. Voilà, c'est de l'argent. Bon, l'argent t'en gagne, t'en perds. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Écoute, mon Ben, on te fait un gros bisou. On va te faire un petit cadeau. Et je te souhaite le meilleur. Et franchement, fais gaffe, surtout en bagnole et tout, hein, franchement. Ouais, t'inquiète. Okay. En plus, le pire, c'est que j'ai jamais eu d'accident avec aucune autre voiture. Oh putain. Eh, ça, c'est ça, hein. T'es pas fait pour être dans des bagnoles de blindés. Non. Voilà, reste tranquille. Bah non, tu vois, je vais rester dans ma Clio. Voilà, moi tu vois, j'ai ma petite 206 de 98, elle tourne terrible. Ah, quelle horreur, elle a des crottes de pigeons partout. Oh. Qu'est-ce que ça t'embête? Excuse-nous, madame. Madame qui se paye des fringues à 650 euros. Grave. Non, qu'on m'a payé. Ah, qu'on t'a payé. Ouais. Eh bah écoute, elle roule en michto, classe B. La michto classe B, siège chauffant. Elle a tout, intérieur cuir, ABS et gros airbag. Oh. Bisous, mon Ben, je t'embrasse, mon poulet. Bisous, bonne fête à vous, les gars. Salut. Bisous. On t'aime, mon Ben. Bonne fête. Les amis, on va récupérer Julien qui a un message pour sa maman et après on attaque le dossier. Hein. Le dossier sur les Français qui cherchent une meuf. Ok, ça va mon Juju? Ça va et vous? Ça va, bah, écoute, impeccable mon Juju. T'as un beau message là pour ta maman à l'approche des fêtes. Raconte-nous mon Juju. Et de son anniversaire, parce que c'est demain aussi. D'accord. En fait, bah, elle ne sait pas, mais ma copine est enceinte. Ça fait 4 mois et ça fait 4 mois qu'elle ne nous voit pas en fait. D'accord. Et il y a 4 mois, notamment, bah, mon père est décédé. D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oh. Ah ouais, donc c'est, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud mon Juju. Et du coup, ça met un coup quoi. Ça met un coup dans la famille, ça va pas du tout. C'est la bonne nouvelle qui va permettre de repartir. La bonne nouvelle, l'approche de Noël et tout. Donc voilà. Et du coup, on voudrait bah, l'annoncer en direct à la radio, donc lui faire une petite surprise. Oh. Et puis bah, du coup, aller la voir ensuite bah, pour Noël. Et puis comme ça, pour avoir que le ventre de madame, ça rebondit un peu. D'accord. Parce que en plus, en ce moment, c'est chelou. Elle est sur tes côtes quoi, ta mère. Elle se dit, c'est bizarre, il s'en remet pas. En fait, il a perdu son père et du coup, ça déconne dans son couple puisqu'elle voit que vous avez des attitudes bizarres depuis cette date-là, quoi. C'est ça. Donc, elle pense que c'est suite au décès, mais qu'en fait, c'est pas du tout suite à ça. Ah, voilà. Ça doit te faire du bien, ça, Juju, d'avoir un bébé qui arrive comme ça. Quand t'es dans une situation compliquée comme ça doit, hein, ça doit donner une raison de vivre, comme on dit. On sait du coup le sexe, donc c'est pas un garçon. Ouais. Ah. Et du coup, on va l'appeler. Il va porter le prénom donc de mon père. Ah, ça c'est fort, ça. Attends, et t'as tout ça annoncé justement à ta mère qui est un peu dans le bad. Bah écoute, on va faire au max, hein. On va faire au max, mon Juju, tu bouges pas. Ça va être un bon moment, ça encore. Dans le Rico Show sur Énergie. Et puis on n'oublie pas Ben, hein. Ben qui vit dans sa voiture. Il y a un gros message d'espoir pour lui. Et on va parler, les amis, de ces Français qui sont plus coquins que jamais. 33% d'entre eux sont engagés dans une relation et continuent quand même à chercher un partenaire. On en parle dans une minute. Chrono, vous chronométrez, c'est une minute. Elle est députée et elle avait eu un petit langage assez vert. Hein. J'avais mis un petit message sur Twitter, je la connais pas. Hein. Et j'avais mis un petit message sur Twitter qui était, bah dis donc, prochaine fois, autant caser bolos. Elle avait dit, message reçu et message relevé. Elle fait partie de la France Insoumise, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos. C'est fait. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Partez à San Francisco pour la sortie du film Événement de Noël. Comment tu t'appelles? Bumblebee avec Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie et partez sur les traces du héros le plus cool de la saga Transformers. C'est pour ça que tu es là, Happy. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. La déclaration de Juju arrive. On aide Ben qui dort dans sa voiture et on parle de ces Français qui cherchent un partenaire. Alors qu'ils sont en couple. J'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. plus fraîche, moi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Ah, mes copines, ah, mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? Ah, mes copines, ah, mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Et oui les amis, 33% des Français qui sont déjà dans une relation cherchent eh bien un autre partenaire. On en parle, chiffre complètement dingue. Vous allez voir qu'il y a du dos et vous allez reconnaître pas mal de monde autour de vous ou vous reconnaître. Hein, ça peut arriver. Venez nous en parler, tiens, si c'est le cas, 0870 42 48. On a Benjamin qui vit dans sa voiture, qui a un gros message d'espoir pour lui aujourd'hui, franchement magnifique. Et puis on a Julien qui va annoncer une très bonne nouvelle à sa maman. Sa femme est enceinte 4 mois après le décès de son papa. Il a décidé d'appeler son fils comme son papa et il souhaite le dire à sa mère qui est en bas de total, hein, à l'approche des fêtes, c'est sûr que souvent c'est pas évident. On va se faire tout ça, mais là on se fait le canui, ma Sarah. Yes, c'est ça, et en fait ce soir papy et mamie Rico cherchent un cuisinier pour une petite soirée privée. D'accord. Alors faut savoir que j'ai trouvé un cuisinier cet après-midi de grand renommée, il a bossé pour le nôtre, etc. D'accord. Et je lui ai fait croire qu'à cette soirée il y aurait Nicolas Sarkozy. D'accord, donc je vais devoir lui passer Nicolas Sarkozy. Oh que oui. L'ancien président de la République. On va se régaler, on va voir si j'arrive à le maîtriser, surtout s'il y croit. Allez. En tout cas moi j'ai une idée de ce que j'aimerais durant le repas. Oula, c'est quoi? Soupe de Viagra. On y va, c'est le canuit. Arrêtez tout. Écoutez, tout le monde est en danger. C'est le canuit. Le canular de la nuit sur Énergie. Allez, monsieur Sarkozy. Allô. Allô, Antoine. Anthony. Bonsoir, Tony. Comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, et vous? Bah écoutez, ça va. Alors, vous êtes le cuisinier, c'est ça? Tout à fait. Je travaille chez les nôtres, au Ducasse, à Tour Eiffel. Ok, c'est bien. Est-ce que vous allez pouvoir nous préparer une bonne bouffe? Bah écoutez, oui. Bon, je vous explique. On a l'habitude de faire une réception un peu spéciale. Bon, vous la découvrirez sur place, d'accord? Elle se fait en nocturne, on vient en couple et puis on s'amuse, d'accord? Bon, moi j'ai besoin de votre discrétion. Vous me l'assurez? Affirmatif. Très bien, on aura une petite enveloppe, une petite urne pour le cuisinier à la sortie. Hein, je sais que Nicolas, souvent, on n'a pas la... Hein, il a la main légère, l'ancien président. D'accord. Hein, mais par contre, derrière, discrétion. C'est normal. Oui, nous, ce qu'on aime, c'est dire, on a une soupe de Viagra qui est pas mal. Est-ce que vous savez la cuisiner? Une soupe de Viagra, il faudrait que je regarde, mais non, je ne connais pas. Bon, vous savez, faut composer. Je ne connais pas, mais après, je peux me renseigner, bien sûr. Oui, c'est intéressant, une soupe de Viagra. Et puis Nicolas aime toujours une petite couille cuite. Ça fait généralement d'un mouton, quelque chose de cet esprit-là, voyez-vous? Oui, je peux regarder. Donc, soupe style... Viagra, tout ça que je regarde, ok. Je pense que ça va partir en cuisine et tout ça. Ah bah, vous savez, avec la soupe de Viagra, là, je vais vous dire, derrière, ça dépote. Hein. Bon, vous pourrez faire tomber le tablier après le service, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Ah, je crois que ça va me plaire. Oui, très bien, mon Tony, très bien. Ça ne vous dérange pas que je vous présente à Nicolas? Il n'y a aucun problème. Je vais vous le passer, histoire qu'il puisse prendre un petit peu la mesure. Vous bougez. Ça marche. Et bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Nicolas, l'appareil. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bah, très bien. Écoutez, vous avez vu avec Raymond? Oui. Pour la cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez nous faire de beau? Bah, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est de pouvoir m'amuser avec Carla. Donc, si vous faites ce qu'il faut, hein, moi, derrière, je serai content. D'accord? Je vois un peu l'esprit. Est-ce que vous pensez que c'est possible de nous préparer la soupe de Viagra? Ah bon, je pense qu'à votre âge, vous n'avez pas besoin de tout ça. Non, mais c'est parce que nous, on aime bien pouvoir s'amuser le soir. Je comprends. C'est la première fois que je demanderai à un cuisinier de ne pas goûter le plat. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, je pense que sinon ça va partir très loin tout ça. J'ai pas envie que vous me sautiez sur Carla. Hein. Le pire, dommage. C'est qu'elle serait capable de vous dire oui. Oh non, quand même, pas de ça entre nous. On se connaît à peine. Je rigole, bien évidemment. Bon, au revoir monsieur, hein. Je vous embrasse. Merci, bonne soirée, à bientôt. Monsieur l'ancien président. Ah, très bien, c'est gentil, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y croit, se fout de ma gueule? C'est la question. En tout cas, franchement, c'est marré. On parle de ces Français qui sont en couple et qui cherchent quand même une meuf. Tiens, si vous reconnaissez, 0800 70 42 48 ou un mec, évidemment, l'appel est gratuit. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but see you blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back, back for second. With your play, you just can't help it. Oh, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be thinking, no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Que vous adorez ce caduit, les amis. Julien va faire une belle annonce à sa maman, vous le savez. Franchement, ça va être hyper touchant. Et puis Benjamin a touché une personne qui était dans la même situation que lui, c'est-à-dire à la rue, et qui aujourd'hui s'en est sorti et qui souhaite témoigner ce soir. On est là jusqu'à 23h avec vous. Pas mal de choses dans ce dossier-là qu'on va ouvrir. 33% des Français qui sont engagés dans une relation continuent quand même à chercher un partenaire. Ça a été ton cas, Sarah? Ça a été mon cas. Moi, je suis restée 3 ans avec une personne. D'accord. Bon, qui m'a trompé à tirer la Rigo, mais je restais avec lui parce que j'avais peur de la solitude. D'accord. En attendant de trouver mieux. C'était qui Rigo? Rigo. Aussi, t'as trop pavé. Non, mais j'ai qui l'a tiré dans la. C'était qui ce gars? C'est quoi cette expression là? C'était pas Rico quand il est enrhumé, le Rigo Jo. Un tir la Rico. Au bled, en fait, il ne comme pas. Un tir la Rico. Non, mais moi, j'ai peur, j'ai partie de ces gens qui ont peur d'être seuls. La phobie ouais. d'être seul. Et c'est ah, vrai ouais. qu'en attendant de trouver mieux, bah, je restais avec cette personne. T'as Mehdi, il est là en tampon. On a bien compris que Mehdi était en tampon. Hein. Ah oui, on te voit là, t'es Tinder et tout. Elle est contente de s'occuper de la battle de séduction. Hein. Elle va sur les profils et elle cherche les matchs et les Tinder. Hein. Elle a la meilleure excuse du monde. Désolé, chérie, c'est pour le taf. Ah, ouais, ouais. C'est la seule meuf qui a des notifs sur Tinder. C'est vrai qu'il dit c'est bien, tu tapes. Je bosse. Surtout les annonces un peu sadiques. Tu sais que je recherche ouais. des fois quand je reçois des zizi. Ah, ouais. C'est pour le taf, t'inquiète pas. C'est pour le taf. Et au milieu, on embrasse Pedro, l'ouvrier du coin, qu'on embrasse justement. Non, mais c'est vrai. Je t'ai remarqué proche de lui. C'est de Pedro? Oui, c'est celui qui s'occupe de la technique, de la maintenance chez nous. Mais il a une belle raie. Ah non, je te jure, quand il se c'est penche. Pas gentil. Mais quoi? Parce que t'as maté sa raie. Ouais. Et la raie de Pedro, elle est sacrée. Il y a ça et la morue. J'adore. Non, mais sérieux, t'es comme un ouf sur lui. Sur Pedro? Chaque fois que je te vois, tu prends du temps pour parler avec lui. Mais non, mais il est très gentil. Il est très, très gentil. En fait, je l'aime beaucoup et je l'aide. En fait, il a des problèmes avec sa femme, donc je l'aide. Oh là là. Ouais, ouais, je te jure, c'est vrai. Fais gaffe, hein, il va trouver le disjoncteur chez toi. Il va me faire péter tout ça. Tiens, ça vous est arrivé, vous aussi, de vous dire ça, JM? Bah, évidemment, quand tu sais que t'es avec une meuf, que voilà, tu sais que ça va pas être la femme de ta vie. vie ou quoi. Ouais. T'es toujours, moi je gardais Tinder même. Pas tu non, vois. En ce moment JM. Oui, non, j'ai tout supprimé, ça fait deux ans. Mais en ce moment dans ta vie, mais oui. On est bien. On est très bien. On n'est pas sur une idée de jamais. Non, tranquille, jamais. Franchement. Sylvain, est-ce que toi, t'as déjà eu cette idée de te dire je suis avec une personne et je fais la bascule? Ouais, non, mais moi, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'en ce moment, toi, tiens, j'ai posé la même question qu'à JM, ouais. Est-ce que toi, tu ne sers pas de roue de secours à certaines femmes? De tampon, c'est ça? Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, je pense un petit peu, ouais, en ce moment. Ouais, ouais, c'est que. Bah non, mais c'est vrai qu'en ce moment, les meufs, je sais pas ce qu'elles ont, elles sont toutes célibataires. D'accord. Enfin, elles sortent d'une grosse histoire. D'accord. Elles veulent juste du kiff. Ouais, elles veulent se taper un con écervelé avec un joli corps. Alors, tu es là, bah, je leur donne du kiff et voilà quoi. Ouais, ouais. Mais toi, de toute façon, t'appelles le pansement dans le milieu. Le problème, c'est que avec Sylvain, on s'infecte. Et t'as surtout du mal à t'en débarrasser. Ah ouais. Hey, c'est le pansement de la piscine qui flotte, hein, rassurez-vous. Ah ouais. Oh. C'est le vieux pansement à la piscine municipale qui flotte avec le chlore. Ben, c'est celui-là, hein, c'est pas autre chose. Tiens, il y a David qui se reconnaît en ça parce que le but de cette étude, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a toujours des potes qui sont en couple. Eh oui. Ouais. C'est-à-dire, ils se séparent d'une meuf, ils se remettent avec une meuf ou une nana qui se sépare d'un mec, qui se remet avec un mec. Et en fait, c'est parce que justement, elles ont peur des fois d'être bien seules. Sûr. Et elles font partie exactement de ces 33% de Français. Et David est là parce qu'il vit cette situation. Ça va, David? Oui, bonsoir à toute l'équipe, ça me fait vraiment plaisir de passer à la radio, vous allez bien? Ah bah, ça va mon David, t'es le bienvenu, hein, pour faire comme David, 0800 70 42 48. Tu te reconnais en ces Français-là, en ces 33% qui justement sont avec une meuf en attendant une autre ou un mec en attendant un autre? C'est ça, voilà, j'avais un gros problème il y a quelques années en fait, il y a 5 ans quand j'ai connu ma copine, je suis resté 3 ans avec elle. Il y a une routine qui s'est installée et en fait j'ai jamais eu vraiment de sentiments pour elle. Ouais. Parce que j'étais pas vraiment satisfait, on va dire. D'accord. Et du coup, j'ai cherché à droite, à gauche. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle s'en est rendue compte au bout d'un moment. Et finalement, ben, c'est elle qui m'a trompé. Ah ouais, d'accord. Et c'est elle qui est partie avec un autre. Elle a pris appui sur toi pour aller direct sur une autre relation. L'arroseur arrosé encore. Ah ouais. Exactement. C'est moi qui voulais avoir une autre relation et finalement, elle en a profité pour me tromper là-dessus. Ça, c'est l'arroseur arrosé. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Ouais, voilà, exactement. Mais tu te reconnais dans ce délire, quoi. Tu fais partie de ces gars qui restent avec une nana jusqu'au moment où ils en rencontrent une meilleure ou qui se disent tiens, aujourd'hui, je sais que c'est pas la femme de ma vie, mais je veux pas être seul, je crains la solitude, donc je reste avec, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est l'éternelle insatisfaction en fait, je pense. Voilà. Et en fait, donc t'es avec une meuf en attendant une meilleure, quoi, c'est toujours ça. C'est ça, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait et on a toujours envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et, ouais, mais on est plus d'une relation, on n'est pas satisfait même sur le Non, mais attends, faut pas confondre. Les 33% des Français, c'est des personnes qui n'aiment pas la solitude et qui ne trompent pas, qui attendent de voir mieux. Et une fois qu'ils ont mieux, là, ils quittent la personne et entament une relation. Oui, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais là, il trompe, il parle de tromperie. Mais non, il ne trompe pas tromperie. Lui, il attend d'avoir le bon dos et puis après, tac, il se libère du premier pour aller sur le deuxième. Tu ne trompes pas, David. Toi, tu es dans l'idée de te dire. C'est ça. Bah oui. C'est ça. Et aussi. Après, moi, quand. Mais quand il teste avant. Voilà, c'est ça. Je suis resté. C'est de la gueule de ta moitié, ça veut dire. Ouais. Bah, c'est un peu ça, quand même. Ouais, c'est ce que veut dire Sylvain, c'est que c'est égoïste, quoi. Tu te priorises d'abord avant ta meuf. Mais c'est le cas de 33% des Français. Et on a Laszlo qui vit cette situation en ce moment. On va en parler. Et mon David sera là aussi avec nous, les amis. Et je vous rappelle que Julien va annoncer la bonne nouvelle à sa maman et qu'on aide notre Benjamin qui vit dans sa voiture. We'll be right back. À fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Ricochot public avec un C à gmail.com, Ricochot public avec un C à gmail.com. 33% des Français qui sont engagés dans une relation en cherchent une autre. Et les amis, c'est assez clair, au-dessus des 40 ans, c'est plutôt les hommes qui cherchent justement une autre relation. Et en dessous de 40 ans, c'est plutôt les nanas qui cherchent encore un dos. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes avec votre meuf... En dessous des 40 ans, les mecs, vous dites, voilà, je reste avec, vous n'avez pas trop cette idée. Ouais. Mais dépasser les 40 ans, c'est plutôt vous qui êtes intéressé par ça. Bah oui, les gars, quand on a plus de 40 ans, on est plus fraîche, on a les mamelles qui pendent, on a un peu de rides. Il y en a même avant 40 ans. Nous, on a toujours pensé que la vengeance se mangeait froide. Et donc, vous nous le faites payer. Hein, en dessous des 40 ans, on est fraîche, on est belle, on attire les mecs blindés. Et puis après, derrière, pam, on est comme des cons. Hein, là, ce serait à nous. Quand nous, on est acquis, quand on est abouti, quand on a souffert de votre... qu'on s'est refait la cerise, qu'on a un peu de blé. Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est nous qui sommes intéressants. Et bim bam bim, c'est le grand roulement. Ah, tu vas me faire pleurer, arrête Rico. Arrête Sarah, c'est ça. T'aime ma Sarah. Bon. Et je peux te dire qu'à mon avis, il n'y a aucun souci te concernant. Je vais me faire larguer bientôt, c'est ça? Non, tout va bien. Longue vie à Mehdi. Il y a Laszlo qui partage cette idée, les amis. Lui, il est dans ça. Il est actuellement en couple et il cherche à gauche à droite. Avant que Julien n'appelle sa maman pour lui annoncer la nouvelle énorme le concernant. Laszlo, ça va Laszlo? Salut Ricochot, très content d'être avec vous ce soir. Écoute, c'est un bonheur mon Laszlo, d'autant que tu vis la même chose que ces 33% des Français là, raconte. Complètement, déjà clairement je suis en couple depuis déjà 2 ans, mais j'ai toujours été un peu en couple, je suis quelqu'un qui est un peu un serial couple, je sais pas comment on peut dire, mais j'enchaîne un peu donc j'enchaîne un peu les relations un peu longues. Et c'est souvent dès le début, au début ça se passe plutôt bien, je suis plutôt très content, et au final je coupe un peu le côté un peu recherche, drague, puis au bout d'un moment je commence un peu à avoir envie un peu de ce game, tu sais, un peu de drague, de la séduction faire. Quoi. Ouais, exactement. T'es un cochon, puis au bout d'un moment, exactement. Puis après au bout d'un moment je me dis que finalement je suis peut-être plus si bien que ça dans mon couple. Puis je commence à rencontrer des gens, puis après au bout d'un moment je commence à rencontrer des gens qui commencent à vraiment me plaire. Ouais. Et c'est là où un peu finalement je continue. Et c'est vrai que en plus aujourd'hui vraiment tu te sens en boîte, c'est facile. Mais pourquoi tu lâches pas ta meuf à ce moment-là? Pourquoi tu restes avec en attendant? Est-ce que tu serais pas anuptophobe? Alors je vous explique, ça vient de l'anu et de la phobie. Non, c'est anuptaphobe. Et en fait le truc, ce sont les gens qui sont obsédés par les relations amoureuses, qui sont constamment à la recherche d'un idéal et ils sont jamais bien comme toi, Laszlo. T'as l'impression que la relation est pas mal et puis après comme un bon film, t'en es déçu et du coup t'en recherches toujours une meilleure et tu restes quand même avec ta relation de peur d'être seul et puis t'attends la bonne relation et quand tu l'as trouvée, pam, tu pars sur l'autre. C'est ça mon Laszlo. En fait toi t'es exactement ça. T'es anuptaphobe. Je supporte pas être seul. J'adore la vie à deux. Je trouve ça quelque chose de super. Mais après je me lasse assez vite. Derrière j'enchaîne les relations, mais c'est vrai que du coup je fais beaucoup de mal aux personnes à qui je suis. J'en ai complètement conscience. Mais parce qu'au final, je suis pas spécialement bien non plus. Donc, mais je rejette après sur la faute sur les autres. Quoi. Tu vois, on a un point commun. Moi, je suis anuphobe. Il a peur des anus. C'est presque pareil. Je ne peux pas me toucher des gens nus. Sylvain. Non, mais il veut voir si le gazon est plus beau ailleurs, quoi. C'est ça. En fait. C'est ça. Et puis. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui supportent pas d'être seules, tu vois. Ouais, c'est la petite routine régulière, le petit truc et tout. Ouais. Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est juste ça. C'est même plus une question de sentiment, en fait. Ouais, mais moi j'ai plein de potes qui sautent de nana en nana, ou des meufs même que je connais, elles sont super mignonnes, elles restent 4 ans avec un type et puis derrière elles font 3 ans avec un autre et encore 3 ans avec un autre. Elles ne supportent pas rester seules. Non mais je te jure, c'est on a tous des amis comme ça. Oui, c'est la peur de l'engagement, ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que le mariage pour ces cas-là. Au moins t'as peur. Non, mais t'as peur d'un divorce coûteux. Alors, donc forcément tu vas rester un peu. Et donc tu restes à cause de ça parce que tu as peur du divorce. Mais au moins tu fais des efforts pour rentrer. Prison dorée. Mais non, parce qu'après quand t'es comme ça, te marier, Benjamin Castaldi dit par exemple que je connais un petit peu, il a fait 4 divorces. Si t'en as pas comme moi, je peux dire tu vas pas divorcer. Hein. Ouais, mais arrête, c'est pas qu'une question d'oseille. Aujourd'hui, tu fais séparation des biens, tu repars comme t'es venu. Hein. Ouais, je pense qu'à bout de 4 divorces et 4 mariages, il avait compris. Hein. Il s'est peut-être fait avoir au premier. T'es bien renseigné en tout cas, Rico. C'est ton avocat ou quoi? Oui, je l'ai actuellement au cabinet. Maître Monsieur Castaldi. Bon, Maître Rico. Laszlo, je te fais un gros bisou, mon Laszlo. Et puis. Soigne-toi, mon Laszlo, là. Il faut que tu trouves une meuf. Ouais. Bon, non, pas d'angoisse, tu vas trouver la bonne. DSK, quoi. Je suis un peu comme DSK, quoi. Finalement. Ouais, bah fais doucement sur Nafis à tout. On t'embrasse, Laszlo, plein de bisous. Plein de bisous. Au revoir. Bisous, mon Laszlo. Et merci, David, d'être passé. Hein. On te souhaite le meilleur, mon David. Ah oui, merci à vous. Et tapez Danse tout style sur Google pour des cours particuliers de danse. Ça va danser, on est plutôt boléro, nous. Bisous, mon David, on va te faire un petit cadeau, c'est un bonheur. Tiens, c'est à Julien d'annoncer une super nouvelle à sa maman. Il y a 4 mois, jour pour jour, son père décédé. Il a une super nouvelle, ça va pas trop dans sa famille. Et là, il a besoin d'en parler. On s'est manqué de rire de ça. Et il appelle sa maman pour une nouvelle, franchement, qui fend le cœur, mais qui fait du bien sur Énergie. On est là jusqu'à 23h, les copains. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, c'est tourner le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. C'est un top moment. Julien qui fait une belle annonce pour sa maman. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si. Eux, ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, on est là. Et puis Benjamin aussi qui dort dans la rue, dans la voiture depuis 3 mois. Il y a un beau témoignage pour lui. Hein. Voilà, on va pas le lâcher. On le fait venir aussi au Nouvel An avec nous. Si vous voulez venir aussi, Réco Show public avec un C à gmail.com. On sera en direct. Il y aura à manger, il y aura des cadeaux, il y aura des kiffs. Et mon Benjamin, on va pas le laisser seul. On est une grande famille. Il souffre. Donc on est là pour lui. Ok les amis. Il y en a qui a souffert. Justement, il y a 4 mois, c'est Julien qui souhaite profiter d'énergie et de son antenne pour faire une belle déclaration. Moi, Juju, t'es à quelques secondes d'appeler ta maman. Ton histoire est folle. Voilà, c'est qu'il y a 4 mois, ton... Je vais pas vous cacher que j'ai un peu la tremblote pour le coup. Déjà, de passer sur énergie, déjà. Ouais. Et puis de vous avoir, parce que je vous écoute tous les soirs, forcément. T'as un amour. Et voilà quoi, enfin. Pardon. Non, mon Juju. Non, mais c'est normal. Ça va le faire, mon Juju. Attends, ça va le faire. T'inquiète, ça va le faire. Parce que Julien, c'est simple, hein, il y a 4 mois, son papa a eu un petit pépin. Ouais. Et en gros, même, il est décédé. Ouais. Et notre Julien, il essaie de se remettre de ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Et justement, sa femme, elle est. Pour tout vous dire, j'espère juste être un père aussi fort et aussi bon que celui que j'ai pu avoir. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Tu le seras. Tu le mérites, en tout cas. Merci. T'inquiète pas. Ça va aller, c'est t'inquiète. Énorme. Mais oui. C'est énorme. On est avec toi, là, je te jure. Voilà, là, j'ai les larmes aux yeux. Non, mais c'est vrai, c'est un moment particulier pour Julien. Mm. Et on va le faire, moi, Julien, ok? Ok, ouais. Tu vas appeler ta mère parce que voilà, 4 mois après, sa femme est enceinte et sa mère, elle est affolée. Bah elle pense qu'il y a des embrouilles dans ton couple, hein, c'est ça mon Juju. Bah, en fait, ça fait 4 mois qu'on la voit plus parce que je voulais déjà lui annoncer cette nouvelle-là, voilà, et qu'elle ne voit pas tout de suite la grossesse. Voilà. Et ce qui était dur, c'était dire tout ça en même temps. Donc voilà. Et bon, là. Je pense que le moment il est venu parce que déjà Noël approche, on va se retrouver en famille, je veux retrouver ma mère, donc on va aller la voir. Et en même temps, avant de la voir, je veux lui annoncer la bonne nouvelle aussi avant et le faire chez vous. Voilà. Ouais. Allez mon Juju, on est avec toi, on est là pour toi, c'est un peu de bonheur. Ouais. Après tout ce malheur et ce désarroi, on se fait ça là maintenant, mon Juju, tu bouges pas. Les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Question, est-ce que vous aimez faire l'amour le matin? Ah non, j'aime pas. C'est une vraie question glandue, non? Non, j'adore. Paulette, oui. Selon une étude française, faire l'amour le matin serait plus efficace que le café pour rester éveillé toute la journée. Oh. Ah ouais? Ah ouais. Dis donc. Après, c'est, si t'as le choix. Moi, perso, je vais reprendre un café. Hein. Ouais. Moi aussi. Un double, s'il vous plaît. Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h-9h30 sur Énergie. Salut, c'est Coé. Toi qui par chance s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Énergie, Hit Music Only. Avec Jennifer en concert. C'est Jennifer. Ma radio, c'est Énergie. Jennifer est de retour sur scène pour 2 tournées événements. L'une proche et intime, l'autre flamboyante et électrique. Info et réservation énergie.fr, olympiaproduction.com et point de vente habituel. Jennifer, en concert, un événement énergie. Famille s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez les bienvenus dans le Rico Show. Dans le Rico Show. Le Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. Ouais, c'est sur Énergie les amis, vous le savez, on vous laisse la possibilité toute la semaine de parler à vos proches à l'approche de Noël. Si vous en avez besoin de l'antenne, de l'émission 0870 70 42 48, l'appel est gratuit. Vraiment, on est avec vous. Il va se passer plein de choses. Déjà, Benjamin, il vit dans sa voiture, il aura un petit peu de soutien avec une histoire complètement ouf. On a aussi un truc complètement ouf qui vient de tomber. Ouais. On va creuser, ça me paraît bizarre. Ouais, ouais. Voilà. Oh, ouais. On enquête. Ça, on enquête, je vais vous en parler dans 3 minutes, ça me paraît bizarre. Mais on va quand même en parler. D'accord, les amis, voilà, on est là avec vous. Hashtag Rico Show sur Énergie, RICO Énergie sur Snap. Mais là, Julien a une belle annonce à faire à sa maman, Isabelle. 4 mois après le décès de son papa, ça y est, sa femme est enceinte. Et la mère était inquiète parce qu'elle voyait Julien et sa femme bizarre. Elle se disait, ils se disputent. Ouais. Mon fils s'est pas remis du décès de son papa et du coup, c'est galère. Julien, il est sur un nuage. C'est vrai que ça donne des perspectives. Bien voilà, sûr. Quand tu vas devenir père de famille, ça donne des envies, ça donne de l'espoir et ça fait un petit peu oublier le chagrin, l'espace d'un temps, même si on n'oublie pas, ça permet d'avancer en tout cas. Et mon Julien, c'est ton moment. Tu vas appeler ta mère pour lui annoncer toutes tes bonnes nouvelles en direct sur Énergie. C'est un moment que tu voulais partager avec nous, avec ta famille que nous sommes. Ok, mon Juju. Merci à vous, en tout cas. Allez, mon Juju, c'est le moment. T'appelles ta maman pour lui dire tout ça. Ok. Oh là là, j'ai peur. Allez, Juju. Allez, Juju, courage. Allez, bon courage. Je vais lui dire au début que c'est la radio. Quoi. Il lui a envoyé un message, il dit essaye de répondre à ton téléphone. Allô ? Oui ? Oui, bonjour Isabelle, je m'appelle Aymeric Bonnery, vous êtes en direct dans le Rico Show sur Énergie. On est très heureux de vous avoir avec nous. Alors si on vous appelle, vous devez être un petit peu étonné, mais on vous appelle pas pour gagner un cadeau, on vous appelle pour gagner mieux que ça. Ah. Voilà, vous êtes dans le Rico Show sur Énergie, 20h-23h, on a un auditeur qui est hyper fidèle. Il s'appelle Julien. Vous voyez de qui je veux parler ? Non. Ah bon ? Bah écoutez, je vous le laisse. Il est là. Vous allez tout de suite comprendre. Vas-y, mon poulet. Oui. Maman ? Allô ? Ouais, maman ? Mais non. Oui, Julien. Oui, c'est Julien, ça va ? Oui. Et toi ? Oui. Je voulais m'excuser de pas être venu te voir depuis ces 4 mois. Bon, tu sais ce qui s'est passé et tout ça. Voilà, ouais. Si on revient pas avec Caro, c'est pas du tout qu'on veut pas te voir, hein, loin de là. Parce que déjà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que on va venir pour Noël. Donc voilà, je sais que jusqu'à présent, j'ai pas répondu à tes messages te disant si on allait venir ou pas, donc tu peux préparer des couverts. Ah, mais ça c'est super. Donc tu peux préparer deux couverts et pour l'année prochaine, il faudra que tu rajoutes un couvert de plus. Parce que tu vas être grand-mère. Oh mon dieu, Juju, tu peux pas t'imaginer comme je suis contente. C'est le plus beau Noël que je vais avoir. Oh là là là là.

Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez, RICO Énergie sur Snap. Magnifique cadeau de Noël pour sa maman, très touché. Franchement, c'était sympa, c'est trop mignon, nous dit Caro. Et ouais, ça chambrait sur le nom Jean-Pierre, hein, je vous le dis. Ça chambrait, mais Jean-Marc. C'est pas évident à porter. Moi, je trouve que c'est beau, c'est un bel hommage. Il va appeler Jean et Pierre, et puis il choisira. Oui, ça revient à la mode, c'est comme Georges. Ah oui, moi, oui, c'est vrai, depuis le nouveau-né from England. Yeah. Et, évidemment. Les amis, je vous explique le dos chelou qui vient de tomber. Puisqu'on se dit tout, on a une histoire complètement folle avec David qui nous a appelé il y a quelques secondes et qui nous a dit ça. On a décroché, on l'a pris, il a dit ça. Écoutez, c'est ça. Voilà, j'avais un gros problème il y a quelques années en fait. Il y a 5 ans, quand j'ai connu ma copine, je suis resté 3 ans avec elle et une routine qui s'est installée. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment de sentiments pour elle parce que j'étais pas vraiment satisfait, on va dire. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il a dit. Et il y aurait sa meuf. Qui aurait appelé, puisqu'on parlait de ces personnes en couple qui cherchent quand même l'âme sœur alors qu'ils sont en couple. Alors, ça m'a l'air un petit peu fou cette histoire. Lui qui appelle, sa meuf qui appelle dans la foulée. Mais en même temps, c'est la magie du direct. On va l'apprendre. Mathilde, ça va Mathilde ? Ouais, ça va et vous ? Écoute, impeccable Mathilde. Mathilde, t'as écouté ton mec en direct sur Énergie dire ça et tu souhaites réagir ? C'est vrai cette histoire ? Ouais, non mais en fait, là il est pas avec moi, je sais même pas si c'est que, peut-être que là il m'écoute, je sais pas, franchement je suis vraiment, je sais pas comment réagir, je sais que moi là je suis dans tous mes états, après si j'ai un truc à dire à toutes les filles, franchement qui sortent avec des mecs comme ça, juste vous allez sur Google, vous tapez danse tout style et vous prenez des cours particuliers pour vous remettre. Les salopards. Non mais lui, c'est pour ça, je trouvais ça que c'était bizarre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a dit ça, mais il parlait d'une relation passée. Écoutez, réécoutez bien, on réécoute. C'est ça, voilà, j'avais un gros problème il y a quelques années en fait. Il y a 5 ans, quand j'ai connu ma copine, je suis resté 3 ans avec elle. Et une routine qui s'est installée. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment de sentiments. Et ouais, il parlait pas de l'actuel, il parlait de son ex. Ils sont forts. Eh Mathilde, bravo, rien que pour ça, vas-y, balance ton site. Ouais, parce qu'on l'a pas compris hein. Alors, mon site, c'est Danse tout style. Voilà. Ouais. Change de forfait, par contre, téléphonique. Voilà. voilà, pour les cours particuliers, ouverture de balles, D'accord, les amis. C'est un vrai bonheur. On vous fait plein de bisous. Et franchement, je vous le dis, on vous dit tout en direct, les amis. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais. On vous dit tout. On met tout à l'antenne. J'adore. Je trouvais cette histoire bizarre. Mais c'est la magie du direct. On vous dit tout. On avait préparé un questionnaire et tout pour voir si vous piégez. J'avais préparé un questionnaire pour savoir quand est-ce qu'ils s'étaient rencontrés et tout. Mais quand j'ai réécouté, parce que je leur ai demandé d'aller récupérer le truc, j'ai vu que c'était au passé. J'ai dit oula, on l'a fait pas, docteur Rico. Non, mais je vous le dis, les amis, on a une vraie histoire et c'est celle de Corentin qui a fait le 0800 70 42 48. Il est un vrai pépin. Ça va, mon Corentin? Salut Corentin. Danse tout style, allez voir. Vous êtes des ouf. Ça va, mon Corentin? Ça roule? Ouais, nickel, et toi? Écoute, impeccable. Alors, avant que tu ne parles, Corentin, je fais un gros bisou à David qui, en fait, a dit la vérité. Il parlait de son ex, donc il a pas dit des conneries. Mon Corentin, raconte-moi un petit peu ce qui se passe, mon poulet, on t'écoute. Bah en fait moi je sors avec la mère de ma meilleure amie, mais en fait ma meilleure amie le sait pas du tout. D'accord. Ah ouais. Ah oui. Et ça se passe bien? Bah ouais, ça se passe bien. Ouais, vous t'es amoureux d'elle et tout à fond. C'est ça. Et toi t'as 19 ans, c'est ça Corentin? J'ai 19 ans puis elle a 42 ans. D'accord, et vous sortez ensemble depuis combien de temps? Ça fait plus de 2 mois. Plus de 2 mois, et est-ce que ta meilleure pote le sait? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que t'as envie de le dire à ta meilleure pote? J'aimerais le dire un jour, mais je sais pas du tout comment le dire. Alors si je fais ce sujet, c'est parce que j'aimerais que Sylvain s'exprime concernant ma mère. Pas les masques. D'accord, c'est chaud avec la meilleure amie, franchement. Tu t'es déjà tapé le daron de quelqu'un, toi, Sarah? Mais t'es malade ou quoi? Déjà, pas je me tape pas le mien. Les mecs, les amis, on en parle. Histoire complètement ouf. Si vous avez déjà été dans cette situation, venez nous en parler. JM. Moi, j'aime bien les milfs. Moi, j'aime bien les cougars, tout ça, mais jamais les mamans des collègues. La mère, c'est chaud. Imagine, on cunne ta mère, Sylvain. Qu'est-ce que tu. Bah, de dire ça, attends. Non, mais si on chopait ta mère, si tu me trouvais dans le lit avec ta mère, par exemple. Mais je te mets deux tartes, mais t'es sérieux, toi? Sérieux, même si t'es avec ta mère et qu'on. Eh, tu vois, elle en kiffe, elle est heureuse. Elle en kiffe avec toi, avec le micro-pénis. Elle va faire quoi? Non, mais si tu la vois heureuse. Je la ouais, heureuse. Bah arrête, je pense même pas. Tu filmes ou pas? Non, mais c'est vrai. Si vous voyez vos mamans heureuses avec un de vos potes, vous réagirez comment, tu réagirais comment toi, ça? Bah franchement, si elle est heureuse, je suis heureuse pour elle. C'est-à-dire, si tu la trouves, si tu la trouves dans la semoule avec Sylvain, on reste au couscous. Avec la merguez au calme. Bah ça fera une grosse merguez en plus dans le couscous. Moi, d'accord. Non, franchement, je serais heureuse pour elle. Tu serais heureuse. JM, ça te ferait quoi, toi? Mais moi, je pète un peu. Les amis, vous êtes fous, la famille, c'est sacré chez moi. JM, il dit viens, on se tape à Ricard. Ah ouais, directement, t'es folle ou quoi? Là, t'es fou. Et c'est quoi le souci, Corentin, du coup? Bah, en fait, le souci, c'est que j'aimerais l'avouer à ma meilleure amie. D'accord, ah oui. t'aimerais lui dire, t'as c'est chaud. Tiens, si vous avez des solutions pour balancer ça à la meilleure pote, vous nous en parlez. Et je vais vous parler des nouvelles positions là. Madin Kamasutra, ça vient de sortir. Ah. C'est tout nouveau. On savait le Kamasutra un peu restreint hein, ouais. Pour Sylvain. Et on a quand même combien il y a de positions à peu près dans le Kama? Je crois qu'il y en a 200 ou 200-300. Ouais, 200. Oula, oula, 200. Je vais vérifier ça et on va voir si t'es toujours Dr Love de cette émission, les amis. On est là sur Energy avec vous jusqu'à 23h. Les nouvelles positions. Et puis on aide notre Corentin. On est là jusqu'à 23h et on n'oublie pas Benjamin. Notre poteau. On est là jusqu'à 23h. Si vous avez évidemment des conseils pour Corentin qui sort avec la daronne hein, de sa meilleure amie, elle a 40 piges, elle en a 19. Est-ce que ça va être porteur ou pas, les amis? On en parle, hein, franchement. Ouais, franchement, je suis désolé, poteau, mais je pense pas que ça va être la femme de ta vie, vraiment. Ouais, mais c'est dur de lui dire ça à 19 ans. Ouais, mais ça va, c'est très bien, les deux savent, tu vois. C'est pour passer. Moi, j'y mets pas trop quand on me disait ça quand j'avais 19 piges, que j'étais à fond sur une nana et qu'on me disait, ouais, elle a 23 ans de plus. Ouais, mais je pense qu'il est à fond dans son délire, Corentin. Regarde Vincent Cassel avec la jeune de 30 ans. Et Brigitte et Emmanuel Macron, c'était plus tôt que ça encore, les gars. Hein. Mais attends, là, c'est pas le même contexte, c'est l'ami et tout ça. Brigitte, c'était la prof. Mais je préfère que ça soit la prof que l'ami, moi je te le dis. Ah, si. Moi je pense qu'il peut faire les deux, attention. Mais oui, je suis d'accord. Tu crois qu'il va faire coup double là-dessus, Kim? Strike. Écoute, Corentin, on a des témoignages, on attend 0870-42-48. Je l'ai promis, mon Benjamin, ça fait 3 mois qu'il dort dans sa voiture et il y a un témoignage pour lui donner plein de baume au cœur. T'es là, mon Benjamin? Ouais, je suis là, Rico. Bon, Benjamin Damour, voilà, ça a été compliqué pour lui. Ouais. En plus, il a quelques pépins là au niveau des guibolles, là, des jambes. Ouais. Et mon Benjamin, t'as besoin de soutien. Et on est là pour toi, tu le sais, mon Benjamin, d'accord? Ouais, je sais, je peux te dire deux, trois mots, là? Vas-y, Benjamin, c'est ton moment, vas-y. Alors, en fait, je veux vous remercier par rapport à votre humanisme et votre non-jugement. Pour moi, vous êtes un exutoire et ça me fait super du bien, quoi. Mais t'inquiète Benjamin, on est là pour toi. C'est vrai, oui. Benjamin, il a l'impression d'être jugé tout le temps, ouais. Et même par ses proches, et nous on te juge pas, mon Benjamin, t'es ouf, au contraire. Tu vas venir au Nouvel An, on va se faire un kiff ensemble, ouais. Mais tu sais même pas, tu feras un peu de radio avec nous. T'as envie de faire de la radio un peu, Benjamin, ou pas? Non, pas trop, mais si ça te dit, c'est toi qui vois. Si ça te fait kiffer, tu prendras le micro, tu t'amuseras avec nous tous, on se fera un truc ensemble. Ok mon Benjamin, t'inquiète, ouais, pas. Mais je vais vous apporter un petit cadeau parce que... Ah non, mais non, non, mais t'es fou, toi, ouais. C'est toi notre cadeau. C'est toi, oh, c'est tu rigoles ou quoi? T'inquiète, t'inquiète, et on gère. Sarah, toi, vous êtes une équipe formidable. Et même les équipes en off, ils sont super agréables. C'est gentil, c'est on t'aime, on t'aime, mon Benjamin, t'inquiète pas, on est là pour toi, ok mon frérot? Ouais, merci Rico. Tiens, il y a Guillaume qui veut te dire un petit mot. Ça va, mon Guillaume? Ça va bien, ça va bien. Mon Guillaume, il nous a appelé parce qu'il a un message d'espoir pour Benjamin. Il a vécu la même situation et Benjamin, il a l'impression qu'il va pas s'en sortir. Et c'est un message pour tous ceux qui galèrent. Des fois, t'as des downs, ouais. Et puis d'un coup, pam, ça répète. Ouais. Raconte-nous, Guillaume, ce que t'aimerais dire à Benjamin. Baisse pas les bras. Baisse pas les bras, garde la tête haute. N'aie pas honte du regard des gens parce que je vais pas m'étaler sur ma vie, mais je suis passé par là où tu passes. Je dormais pas dans ma voiture, mais je dormais sous un pont où la seule chose, ben, c'était mon lit, c'était un carton et une couverture sale. Où la journée, ben, je faisais la manche, je me démerdais pour manger, pour dormir. Et puis un beau jour, je sais pas qui me l'a mis devant moi, mais un beau jour, j'ai rencontré un mec qui a sorti une liasse de billets devant moi. Et puis bien évidemment, étant à la rue, les questions se posent. Et puis je lui ai dit, mais tu fais le 115, mais t'as de l'argent sur toi. Il me dit, écoute, viens, on s'assoit, on fume une clope et je vais te raconter. Et c'est là qu'il m'a appris l'histoire de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il y a quelques années, a créé Emmaüs. Ouais. Et en fait, moi j'ai été dans une communauté Emmaüs, où on est nourri. Voilà, il n'y a pas de contrat. T'as pas de contrat, il y a des places partout en France. Même à l'heure actuelle, il y a des places partout en France, que ce soit en France ou en Europe. Et en fait, t'es nourri, logé, blanchi. Tu reçois un pécule par semaine qui peut être de 60 à 100 euros selon les communautés. T'as un pécule vacances aussi, donc tous les mois, t'as 100 à 150 euros que tu peux mettre de côté, partir en vacances. Ils t'aident pour tout ce qui est soins, santé, retrouver ta famille, les papiers, si t'as perdu ton permis, quoi que ce soit, peu importe, ils seront là pour t'aider. Après ce que voilà, n'hésite pas, tu tapes sur Google communauté Emmaüs, je suis du Pas-de-Calais aussi, voilà, je suis près de Lens, je suis du Pas-de-Calais aussi, baisse pas la tête. Et mon Guillaume, moi j'ai une question à te poser. Nous on sera là évidemment pour Benjamin, on va le prendre sous notre aile et on fera le maximum. Tu peux lui donner mon numéro. Voilà, si tu pouvais être un petit peu son parrain vu que tu es de la région pour lui donner les démarches. Mais est-ce que Benjamin, toi t'as envie comme ça de franchir le pas, et est-ce que ça te donne envie ce que te dit Guillaume là, Benjamin? Ouais, bien sûr, mais c'est parce que j'ai déjà été dans des SAMU sociales. Et en fait, on m'a expliqué qu'Emmaüs, ben, c'était bizarre, quoi. Bah non, bah regarde, Guillaume, il te donne un vrai témoignage, il te donne un vrai truc. Benjamin, il faut aussi que tu vois positif, hein. Si tu vois tout noir, t'es mort. Hein. Regarde, Guillaume, aujourd'hui, il est bien. Guillaume, t'es sorti de la rue, tu fais quoi aujourd'hui, mon Guillaume? À l'heure actuelle, je peux me permettre de dire que j'ai réussi. Ouais. Je voudrais surtout dire merci à ma femme, parce que c'est elle qui m'a épaulé. À m'a élevé. Ouais. Merci à ma famille, mais voilà, ne regarde pas que le noir. Ne regarde pas que le noir. Tu sais, Benjamin, des fois dans la rue, tu croises des gens, tu sais pas parce qu'ils sont habillés en costard, cravate, qu'ils ont des chaussures à 500 balles au pied, que le soir ils mangent mieux que toi. Moi, en étant à la rue et en dormant dehors, j'ai vu des mecs en costard cravate dormir à côté de moi. Ouais. Ah, c'est fou, hein, c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le SAMU social, je connais bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Emmaüs, c'est pas bizarre. Emmaüs, tu vas là-bas, t'as un travail, tu travailles pas gratuitement, t'as un travail. T'es payé toutes les semaines, ils te nourrissent, t'es nourri, logé, blanchi, ils peuvent t'apprendre des métiers. Si demain t'as envie d'apprendre la cuisine, et ben c'est toi qui vas faire à manger à toute la communauté. C'est bien. Moi je trouve ça hyper intéressant. Mon Guillaume, et il a raison, et c'est bien pour sortir de l'eau. Et quand t'as quelqu'un qui te parle un truc comme ça, il faut foncer. Envoie-toi, poteau. Benjamin, est-ce que tu bouges pas? Je vais te laisser les coordonnées de Guillaume et vous allez discuter un petit peu ensemble. On va vous mettre en

là, Angèle, tout oublié les amis, on est là jusqu'à 23h. Il y a Guillaume qui donne des conseils à Benjamin qui vit dans la rue. On va voir un petit peu ce qu'il en retire. Il est au bout du rouleau, notre Benjamin, et il a besoin de nous. On est là pour lui, les amis. Tiens, le Kamasutra vient de s'étoffer. Les amis, de plus en plus de choses. Alors le 77, hein, a priori c'est la nouvelle position qui sort. Hein, même département ça aussi. Voilà, non mais c'est vrai. Ça peut être la Seine-et-Marne. Ouais, effectivement, ouais. Mais là on est plus dans la Marne. Hein. La Marne est dans la Seine. Hein, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment sur un duo gagnant. Alors c'est une espèce de cuillère, hein, rien de révolutionnaire. Ouais. On a la position de l'hélicoptère. On en parlait en antenne avec Sarah. Ça t'a un peu choqué, moustillé. Non mais attends, mais ça dégoûte surtout. Le gars, y a rien de glamour. Il tourne autour de toi. Il met son zizi en toi, il tourne comme un hélicoptère. Et il tourne, quoi. Il fait l'hélice, quoi. Il fait l'hélice. Non, mais c'est vrai, il tourne avec les mains, en fait, il pivote. Hein, vous êtes allongés l'un sur l'autre et lui, il pivote, c'est il énorme. Fait le tour du patrimoine. Et s'il le fait très bien, la fille, elle s'envole. Ah ouais. Exactement. C'est vrai, ça décoiffe, comme les hélices de l'hélicoptère. Il faut que ce soit bien huilé, hein, par côté. Ah bah là, je peux te dire. Ça n'a pas de moteur. Faut un bon pilote, surtout, j'ai l'impression. Hein. Faut un bon pilote. Je crois qu'un hélicoptère, ça se conduit toujours à deux, d'ailleurs. Du coup, elle pilote. Voilà, il faut un petit peu tout ça. Tiens, on va prendre mon Florian qui a fait le 0870 42 48. Ça va, mon Flo? Ouais, salut tout le monde. Salut, mon Flo. Alors, Flo, toi, t'es premier sur le Kama, m'a-t-on dit? Ouais, c'est ça. Non, pas premier, mais en tout cas, moi, j'expérimente bien comme il faut. D'accord. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà fait l'union suspendue? Alors, l'union suspendue, c'est lorsque la fille est assise autour de toi avec les jambes autour de tes hanches. Ouais, ouais. T'es nul, suspendu à la gamme, quoi. Nul. Ah ouais, moi, je trouve le que ça, c'est. Le gars souffre. Le gars souffre, c'est physique. Ah ouais. La meuf, c'est pas trop bouger. Toi, tu sais pas trop bouger. T'as déjà fait, Sylvain? De quoi, là? L'union suspendue, la meuf que tu suspends avec les jambes autour de tes hanches. Ouais, c'est, elle se suspend à la gamme. Ouais, si, j'ai déjà fait. Bah oui, ouais, bien mais sûr. T'arrives à faire apporter tout Ah bah t'es en sueur au bout de 5 minutes quoi. Ah ouais, t'en peux plus quoi. Et après, t'as un petit lavago à la fin quoi. Ouais. Toi t'aimes bien ça Florian ou pas trop? C'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose moi. Ouais. Alors peut-être que la pieuvre va te plaire plus. En fait vous êtes assis l'un face à l'autre, d'accord. Et la fille met les jambes par-dessus tes épaules en tant que mec. Et vous sur faites... le dos. Exactement. Oh là là, il est. Ah ouais. C'est horrible. Ah ouais. Il a bien révisé. Est-ce que Paul le Poulpe te tente? Ah, ça me plaît plus. C'est plus agréable. T'as plus de contact, t'as plus de possibilités de bouger, c'est bien mieux. Putain, je comprends pourquoi on appelle Pogba la pieuvre. En fait, c'est parce qu'il est cancama. Sarah? Mais non, mais c'est horrible. On voit nos petits bourrelets parce qu'on est un peu, tu sais, penchés. Mais on a les mamelles qui pendent. On peut même pas être bien, tu vois, pour avoir des beaux seins. C'est pas grave. Par contre, faut pas payer du yep, hein, parce que si tu pues des pieds, là, Ah oui, c'est vrai. J'ai cru qu'il fallait pas payer EDF. redis-la. Fallait pas puer EDF. Ah ouais. Il y a une hallucination auditive qui est faut pas payer EDF. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a avec EDF dans le Kamasutra? J'ai pris un coup de jus, ça c'est le cas de le dire. Tiens, il y a aussi la dernière là, c'est celle de Macron. C'est la position du président vigoureux. Ah ouais, c'est une meuf en fait, elle est sur le lit. Avec un gilet jaune? Non mais ça aurait pu. Ça aurait pu, non, elle est debout sur le lit. Ouais. Et en fait, elle fait des squats et vous êtes hors du lit, du coup, vous êtes dans le dos et elle fait des squats et vous la tenez quoi. Ah oui, il tient son cucu quoi. Ouais, il tient son cucu. Et c'est lui qui maîtrise. Et elle fait des squats quoi. Elle fait des squats comme si elle était sur un step devant, vous étiez debout et elle fait des squats. C'est pas mal, tu fais du sport, tu te fais un beau fessier en même temps, tu prends du plaisir. Un beau fessier. Bon, quoi que. Si t'as le cul qui est pas beau, c'est pas au moment de faire l'amour, de le façonner, c'est ça. Tu sais, les notes qui envoient, attends, on fait l'amour, mais on squat. J'aurais des meilleurs seufs. Je crois que c'est mort, Florian, quand c'est comme ça. Ouais, si on est bien d'accord. C'est quoi lui sa spéciale? Ouais, c'est quoi ta spéciale à toi, Florian? Je sais pas, en ce moment avec ma copine, on est beaucoup dans le Kamasutra pour qu'elle tombe enceinte. Ah ouais, d'accord. Il y a plein de trucs à expérimenter, il y a plein de. C'est vrai, tu la mets à l'envers pour que. Il paraît qu'il faut se mettre à l'envers après tout de suite quand vous avez fait le rapport pour tomber enceinte. Ça, c'est après. Les jambes en l'air. C'est quand on a fini pour qu'elle garde tout et que ça descende. Ouais. Mais après, il y a plein de trucs. Attends, j'ai une aspirine, le bordel. C'est vrai. Pour pas que ça reste à la surface. Oh, ouais. C'est vrai. Et ça marche. Et toi, c'est quoi ta spéciale? Moi je dirais le tigre pénétrant. C'est quoi ça le tigre pénétrant? Pour rugir de plaisir. C'est quand elle est un peu sur le ventre un peu, moi je suis derrière. Ah ouais. Je suis au bord du lit, elle est sur le lit, elle est un peu, tu sais, un peu penchée. Oui. D'accord. Ah oui, je vois le doggy style quoi. En équerre quoi, en équerre. Le doggy style. T'as compris que Sylvain était le chien dans l'histoire. Allez Florian, bon camin, on va te faire un petit cadeau. Bisous mon Florian. Bisous, je vous embrasse, salut. Bisous, bisous. Avant d'avoir le point entre Benjamin et Guillaume qui se sont parlé, Benjamin est à la rue et Guillaume ne l'est plus. Justement, ouais. Il en est sorti, il y avait pas mal de conseils pour lui. On a Corentin qui, vous le savez, sort avec la mère de sa meilleure amie. Ouh. Et Corentin, il a envie de l'annoncer, les amis à sa meilleure amie. Est-ce que vous lui conseillez de le dire ou pas, Sarah ? Ouais, faut le dire, faut être honnête. Et puis si elle est contente pour sa mère, elle te laissera. Moi, je t'aurais laissé. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère de ta pote, Corentin ? Bah, elle dit qu'il faut pas lui dire, parce que sinon, ça fait déjà notre couple. Ah, bah, moi, je pense que tu ferais mieux de l'écouter, parce que si tu lui dis ça va péter ton histoire, ça fait que 2 mois. Grave. Je pense que t'as encore quelques mois devant toi avant d'allumer le feu là-dedans. Et en cette période de Noël, ça sent le sapin pour moi. Ah oui, mais en attendant, c'est vous les gars. Écoute, Corentin, moi je pense qu'il faut que tu prennes le temps. Si t'as qu'à 2 mois, tu vas péter une amitié. Et surtout, une fois qu'elle est au courant, comme dit JM, ça risque de mettre fin au truc. Ah, mais c'est sûr, franchement, moi je suis désolé, poteau, mais à ta place, je te dirais pas du tout. Et tu sais pas ce que ça va donner. Peut-être que dans 2 mois, c'est fini. Oui, mais tout se sait dans la vie, JM. Un jour, elle va le savoir et ce sera encore pire en fait. Donc, vaut mieux être honnête dès le départ. Bah, moi je suis pas sûr. Oui. Bah, je te le dis, je suis pas sûr. Attends 2019. Ouais. Moi je pense. Oui, passe les fêtes là-dessus. Ouais. Parce qu'à 40 ans, s'il faut, elle va avoir un choc émotionnel. Elle va se dire c'est plutôt un tel ou un tel. Et je pense qu'à 2 mois, c'est trop prématuré. D'autant que toi, voilà, t'es encore un peu jeune. Attends, Corentin, c'est pas ton jeu de le dire tout de suite, je pense. Grave. Tranquille. Ok, bah, j'ai essayé de pas le dire. Tu nous tiens au jeu, à mon avis, attends un peu. À 2 mois, il peut se passer plein de choses. Attends, ouais. Laisse passer les fêtes. Attends, t'imagines si tu laisses passer encore 1 mois, ça fera quasiment en plus la moitié de ta relation. Ouais, oui. Ouais. Et ça donnera plus de visibilité. Attends un petit peu et tiens-nous au courant après les fêtes, ok, Corentin ? Ok, pas de soucis, Rico. On te fait plein de bisous, mon poulet. Bisous. Je t'aime fort, mon Corentin. Bisous, c'est bien. Bravo pour la daronne, hein. Franchement. Ah ouais. Frérot. Félicitations du jury. Frérot, là, je peux te dire, mais fais loche. Hein. Ah, pour lui dire bravo, il y a tout le monde. Et pour lui dire d'être honnête un petit peu avec sa meilleure amie, il y a personne. Mais bravo, les gars. Bravo. Ouais, on assume, les gars. Mais quelle rageuse. Quoi, t'es rageux parce que c'est un petit jeune, c'est ça, hein. Ouais. T'as bien voulu te taper. T'as bien voulu, hein. Pour te brouter la mèche. Allô, t'embrasse, Corentin. Bisous, bravo. Bisous, mon Corentin. T'embrasse. Vas-y, Corentin. Alors, comme je fais partie des Gilets jaunes, je fais une grosse dédicace aux Gilets jaunes du rond-point de la Vache qui se sont fait encore déloger, frappés par les CRS. Et puis, gros bisous à vous tous. Ah ben, on embrasse le rond-point de l'Interville. Ouais. Le rond-point de la Vachette. Et courage à vous, les mecs. Courage à vous, on vous fait plein de bisous. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Bisous, mon Corentin. Bisous. On t'aime. Ciao. Merci, ciao, Corentin. Ciao. Et Corentin, c'est pas là que t'as pêché la mer. C'est pas sur le rond-point. Non, mais c'est que c'est un site. Enfin, c'est un. En ce moment, les Gilets jaunes, ouais. Il y a carrément un réseau de rencontres. On en a parlé dans les news il y a pas longtemps, ouais. Pour info. Il y a ça, t'es chiante ce soir. Elle est numéro sur la news. Ah, on sent que c'est bientôt les vacances qu'elle va devoir se taper son mec. Très content de ne plus voir vos tronches. Bisous, mon Corentin, on t'aime très fort. Les amis, je vous l'avais promis, on a le fin mot entre Guillaume et Benjamin. Ah! Voilà, ça y est, ils sont là. Alors Benjamin, t'as pu parler avec Guillaume, mon Benjamin, qui a vécu la même situation que toi, parce que Benjamin, ça fait 3 mois qu'il dort dans sa voiture. Est-ce que t'en sais un petit peu plus avec Guillaume ? Ouais, je te remercie. Ah, la voix n'est plus pareille. Ouais. Ah. J'aime beaucoup ça. Je te remercie parce que je vais écouter ce que Guillaume m'a dit et je le remercie parce que ça a l'air d'être une personne sensée. Ouais. Et je vais me battre et puis. Je dois être content de vous voir parce que vous êtes des personnes superbes. Bah écoute, on est content de te rencontrer. Ce sera le 31, les amis. Vous pouvez venir aussi rencontrer Benjamin et nous rencontrer, les amis. Ricochot public avec un C @gmail.com. On sera là le 31. Guillaume, je voulais te dire un grand merci. Franchement, t'es une bombe de mec. Et franchement, merci pour tout, mon Guillaume. Hein. T'es une bombe. De rien. Ouais. Franchement. Et puis, évidemment, voilà, pour nous, t'es un petit peu le parrain de Benjamin. Et voilà, ce serait bien que tu sois un petit relais téléphonique pour lui et qu'il puisse. Si tu veux venir pour le jour de l'an, voilà, veux venir, mon Guillaume, t'es le bienvenu, ouais. Hein, le jour de l'an. Bien sûr. Hein, vraiment. Ça marche, avec plaisir. Ok, mon Guillaume, on fait tout ça et franchement, t'es une bombe de mec et c'est cool que t'aies pris du temps. Et, parce que t'as des mecs qui s'en sortent et puis après, derrière, ils disent rideau, tu sais d'où tu viens et c'est aussi comme ça que tu sais où tu iras. Ouais. Ouh, voilà, philosophe. Ouais, et voilà, on s'est échangé nos numéros et on va rester en contact. Et puis, c'est la moindre. N'importe quelle question, à n'importe quel jour de l'heure et de la nuit, il n'y a pas de souci, je serai là. Bon. On m'a aidé et c'est à moi de rendre. C'est beau, c'est beau, mon Guillaume. Franchement, t'es une bombe et franchement, merci. Franchement, t'as. Vraiment bravo. Franchement, merci. Ouais. On respect. T'aime, mon Guillaume. On t'aime. Merci. D'ailleurs, Steph, viens me voir, Steph. Viens me voir 2 secondes. Non, mais parce que Steph, que j'aime très fort, c'est elle. Il nous reste des cadeaux, ma Steph. Il nous reste quoi ? Oui. Il reste quoi ? Plein de cadeaux. Il reste quoi ? Dis-moi, il reste quoi ? Dis-moi, il reste quoi ? Casque Bose, d'accord. Guillaume, tu veux un casque Bose ? Impeccable. Ok, c'est pour Guillaume, ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore ? Dis-moi. Une Google Home, ok. Benjamin, je te mets la Google Home, d'accord ? Je vais te la mettre et on va trouver le moyen que tu puisses la recevoir. Sous le sapin. Oui, sous le sapin. Je mets, qu'est-ce qui reste encore ? Que tu vas te la mettre. Je vais te la mettre. D'accord. Non, mais je vais la mettre sous le sapin. Oh là là. Ah, mais je sais pas. Non, mais on va les mettre. On peut la faire venir à Énergie pour Benjamin quand même. Bah oui. Mais oui, on va trouver un cadeau. Ah ouais, parce que j'ai pas d'adresse. Mais oui, mais on va te faire un petit cadeau comme ça le 31. T'auras ton petit cadeau. Voilà. T'inquiète pas, mon frérot. T'inquiète pas. Ok, mon Benjamin. Bah, merci. D'accord, donc je t'offre ça et il me reste des AirPods, les amis. Tiens, que je vais offrir là, vous n'hésitez pas. Vous m'ajoutez sur Snap, je choisis une personne. R-I-C-O, NRJ, les amis. Merci d'être là, R-I-C-O, NRJ sur Snap. Franchement, c'est un bonheur. Benjamin, je te souhaite une bonne nuit. Ok, mon poulet ? Merci pour ton professionnalisme et vous êtes des gens super bien. T'inquiète pas, on t'aime, frérot. Là, tu fais attention à toi et dans quelques jours, on se voit. Ok, Benjamin ? Ouais, merci Rick. Allez, on reste en contact de toute façon. Ok, mon Benjamin, je t'aime fort. Bisous. Bisous. Merci mon Guillaume. Ciao. T'es une bombe. De rien, c'est avec plaisir. Bisous. Bisous. C'est un bonheur, franchement. Merci les copains. Et vous le savez, on sera là le nouvel an. On sera là avec vous et ça va être énorme. Ouais. On vous attend. ricochopublic@gmail.com. Est-ce qu'on a notre jingle du nouvel an? Je l'adore. Est-ce qu'on l'a? On l'a? Vous croyez qu'on l'a? Bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. Il s'apprête à fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. ricochopublic@gmail.com. On vous attend nombreux des cadeaux, de la bouffe, du kiff pendant 10 heures d'antenne, les amis. On se retrouve demain pour la dernière de l'année. Ça va être un kiff de la faire avec vous. Et puis on se retrouvera le 31. Ok, les amis. Allez, n'oubliez pas l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Allez, c'est Mickaël maintenant. Comment il va, Mika? Il m'entend? Oh oh, Mika. Mika. Mika. Mika. Mika. Ouais, Michael, I love you. Ah merde. Non, mais je le vois en plus en face. Je le vois et il y a Lou qui est parti courir. Il n'y a pas eu à appuyer sur le bouton. Je te vois, Michael, mais je ne t'entends pas. Voilà, tu es bon. Et là, tu m'entends? Ah, c'est mieux avec le son. Bah oui, mais bon, ça, c'est parce qu'on n'a pas poussé sur un bouton. Alors, écoute, j'ai vu Lou partir en furie. J'ai senti qu'il avait merdé sur le tombeau. Et ben, il a bien fait. Je pense qu'un coup de fouet sera la sentence minimale. Mais t'es pas mal en Sergent Garcia, j'aime bien. J'aime bien quand t'es muet, comme ça, ça t'as un truc, y a quelque chose à développer. C'est vrai. En radio, c'est un peu chier, mais c'est vrai. C'est une idée. C'est vrai. Bon, bah du coup, demain dernière alors. Demain c'est la dernière. Après vous ranquillez le lundi, hein. Tranquille. Ouais, 20h minuit, on sera là tous les soirs la semaine prochaine, sans aucun souci. On fera habitude avec vous l'équipe. Bon. Ah bah j'espère bien, vous êtes les bienvenus, il y a pas de souci. Bon, profitez, salut les amis. Allez, salut. Salut à demain. Ciao. Et on écoute Maître Gims pour démarrer l'émission tranquillement. 01 40 71 5000. Le pire, c'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans à sombrer ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télé. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons sont trop pleurés. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Mickaël tous les soirs des 23h. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Toff, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Ah, vous êtes génial. Ça se termine bien et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. M.I.K.L. officiel. Allez, c'est reparti, avant-dernière de l'année. À 23h, hein, je parle, parce que la semaine prochaine, on sera là à partir de 20h, hein, 20h, minuit. On passera d'ailleurs le réveillon de Noël ensemble, dans la paix, l'amour, la joie de vivre, avec des chansons de Noël version rock. Ça va être la folie totale. Ouais. On va trop se marrer, trop hâte. Pas du tout. Trop hâte d'être là. Bon, Polo va bien. Il allait bien. En fait, je me suis embrouillé avec une meuf à la SNCF. Parce qu'en fait, la meuf veut m'expliquer un truc et elle me dit. Alors que personne n'a quelque chose à expliquer à Polo, il sait non, tout. Évidemment. Je viens charger mon passe Navigo, qui n'est pas un passe Navigo, c'est un mot de truc. Passe, hein. Voilà. Chargé, on sait très bien ce que tu fais dans les transports. Il passe au-dessus de la barre. Et la meuf, elle me fait. Et comment ça me parle? Mais tu sais, elle me parle, j'entends rien. Et je lui dis pardon, j'ai pas compris. Ah, mais vous êtes agressif. Tiens, étonnant. C'est la première fois qu'on dit ça à Polo, incroyable. Ah, bah oui. Tu sais très bien comment elles sont, tu sais très bien d'où elle vient, cette meuf. Pardon. J'allais dire. Et la meuf, elle me dit: ouais, vous êtes agressif. Et je dis: mais je vous ai rien dit. Ah si. Je dis: oh putain, elle va commencer à me casser les couilles. Je vais écouter, est-ce que vous pouvez me charger mon truc parce que j'ai un train à prendre? Oui, parce qu'elle me demande si je viens d'Île-de-France. Ben oui, vous. Je pense que je suis un clando, que je viens de débarquer, je sais très bien comment ça fonctionne. On embrasse les clandos. Mais parce que. Non, moi je les embrasse pas. Oh là là. Non, parce que. Il y a les gens qui savent. J'ai dit: écoutez, changez. Ah, bah, je fais: allez, vas-y, c'est bon, arrête de me prendre la tête, charge mon truc, je m'en vais. Et la meuf, elle fait la gueule. Mais t'as dit: ah, bah. Non, mais j'ai raccourci. Ah, d'accord. Okay. Parce que après, ça fait long, quoi. Ah, oui, oui, ah, bah, c'est déjà long, raccourci. J'allais te le dire. Voilà. Bref, voilà, donc Amina va bien. Non, je me suis pris la tête avec un mec de l'RATP. Non. Bonsoir. Non, tout va très bien, à part que chez moi, c'est Bagdad et que j'ai peur de rentrer chez moi après l'émission parce que j'ai cuisiné, comme vous avez pu le voir, pour le Christmas Good Day. Oui, d'ailleurs, nous avons fait un effort, hein, c'est-à-dire nous n'avons pas goûté. Voilà, mais en pour tout des cas, raisons évidentes. Mais mon gâteau était extraordinaire, il a eu beaucoup de succès. C'est un gâteau à quoi exactement? Rappelle aux gens, Amina, ceux qui ne pas extraordinaire, tu veux dire par là?